Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant, il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez! Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour! Bienvenue à l'épisode numéro 33 du Bras de faire des films. Nouvel épisode Time Out du 26 juin 2015. Déjà le 26 juin. Mon nom est Jean-François Tremblay et avec moi, j'ai mon collègue Steven Lefrançois. Salut Steven! Steven, la marmotte de YouTube. C'est pas un hamster? Ou un hamster, ouais. Ouais, ou un chien de prairie? Ouais. Ah, c'est quoi le nom en français d'un chien de prairie? C'est un... C'est pas un chien de prairie? Non, ça a un autre nom. En tout cas, j'oublie, mais ça a un nom spécial. C'est ça. Sinon, bienvenue à tout le monde. Et comment ça va, toi, Steven? Super bien. Je suis tombé enfin en vacances ce week-end après 15 jours d'affilée quasiment sans congé de travail. Fait que je me sens bien. Puis je me dis, pour partir le week-end, rien de mieux qu'un bras de fer time-out en direct. Yeah! Fantasia qui approche bientôt? Oui, je compte les dodos, j'ai eu ma semaine de congé, fait que j'attends juste que la programmation soit disponible pour choisir les films en espérant que les meilleurs vont tomber dans ma semaine. Je vais te le souhaiter, je peux pas y aller. Je me dis déjà que Turbo Kid va sûrement être dans la semaine d'avant, fait que je me suis préparé d'avance que je le verrai pas, mais de toute manière, il va être au cinéma Mayfair à Ottawa dans peut-être un mois, je crois. Fait que est-ce que l'équipe va être là pour le présenter aussi? Au cinéma ou tu parles de Fantasia? Au Mayfair. Excuse-moi, j'ai pas compris. Au Mayfair. Je sais qu'à Fantasia, ils vont sûrement être là, mais au Mayfair, ils vont-tu être là? Au Mayfair, j'en ai aucune idée. OK. J'aimerais ça, ce serait le fun si jamais je le manque au Fantasia. Oui. Mais t'es déjà rencontré, je pense. T'as déjà rencontré... Oui, durant une soirée assez spéciale qu'on avait été toute l'équipe d'Horror Gamer... pour l'espèce de gros rassemblement de podcast, puis ça s'est ramassé qu'on est parti avec lui, il était sous, puis... on était sous, puis en tout cas, c'était une soirée spéciale, on avait été à Space, puis c'était belle fun. Sinon, cette semaine, côté moins positif un peu, on a perdu quand même du gros monde du côté d'Hollywood, en particulier James Horner, qui a marqué tout le monde. Mm-hmm. T'as-tu une relation particulière avec sa musique? Il y a beaucoup de thème que j'adore. C'est un grand compositeur qui a marqué, je pense, n'importe quel cinéphile. Il a touché à tous les genres de cinéma. Fait que, autant le thème de Alien le Retour 2, qui a souvent été utilisé dans les trailers dans les années 90. J'adore ce soundtrack-là. Sinon, comme Titanic, ça, il y en a qui viennent dans l'esprit. Là, mais... Titanic, tout le monde connaît Titanic. Non, Titanic, évidemment. Mais il en a fait des tonnes et des tonnes. Puis c'est dommage que. Ben, en même temps, c'est le cours de la vie. Hein. L'accident d'avion, en plus, il était jeune. L'accident d'avion, je savais pas c'était quoi qui avait causé sa mort. Ouais, c'est rien que c'était pas lui qui pilotait, je me souviens plus, mais c'est ça, c'est son avion à lui, si j'ai bien lu. Puis, ouais, non, c'est vraiment triste. S'il n'avait pas embarqué dans l'avion, il aurait survécu, puis la mort l'aurait poursuivi comme Devin Samway dans Final Destination. Ah, ouais, fait que, ouais, dans le fond, il y a. C'était dû pour arriver. C'est boboche comme connexion, je sais. Puis comme il y a toujours la règle de 3, excusez, du côté des morts, c'est quelque chose qui est connu puis que j'ai remarqué souvent quand j'étais jeune. En tout cas, anyway, la règle des 3, c'est qu'il y a aussi un acteur qui est mort qui s'appelle Dick Van Patten. Il jouait le... Nous autres, on l'a surtout connu, notre génération, comme le roi Roland dans Spaceballs. puis il a fait plusieurs autres rôles dans les années 60, 70. Il a eu une longue carrière. Puis il y a l'acteur aussi de la série télé The Avengers, de Chapeau melon et bottes de cuir, qui est mort, Patrick McNee, je pense son nom. Puis, Tu le connais moins bien, lui. Ouais, mais moi non plus, là, mais j'ai pas écouté la série, j'ai vu le film avec Sean Connery. Ah oui, hein? Ça aussi, je pense que ça pourrait faire un bon épisode de Nanor. Hein? J'allais dire le moins qu'on en parle mieux aussi, mais peut-être que t'as raison, oui. Sinon, dans les actualités, c'était pas mal ça, je pense. Ben, en fait, t'as été révolté par l'annonce d'un remake il y a pas longtemps. J'étais même étonné de t'en faire cette vidéo. Ah, pour une fois que c'est GF qui va se plaindre, ben, je vais le laisser faire. Ouais, hier, en fait, remake de Das Boot, un de mes films préférés. Je ne rentrerai pas tout dans les détails. Il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube, ouais. Si vous ne l'avez pas vue. Fait que, j'ai fait une petite vidéo de 10 minutes hier où je parle de pourquoi je crois que c'est une mauvaise idée. C'est vraiment juste une opinion personnelle. Puis, mais de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de monde que ceux qui le connaissent dans notre génération. Fait que je ne sais pas à quel point ça intéresse les gens, mais si ça vous intéresse, allez le voir, il est là. Sinon, ben, je pense qu'on serait prêt à commencer. Là. Y a d'autres choses à rajouter avant de passer au film? Non, rien d'autre de spécial ou de nouvelle intéressante. Là. C'est une semaine soir, tranquille. Fan d'horreur. On a l'épisode d'Horreur Gamer. Manquez pas ça pendant que j'y pense. Ouais, live, ça va être le fun. Plein de bons films et un bon sujet. Puis allez vous abonner sur la chaîne YouTube d'Horreur Gamer, à la chaîne YouTube, parce que on fait des vidéos des fois. Ouais, c'est ça, parce que c'est un ordre. Puis on fait des vidéos, puis quelques-uns d'entre nous ont des belles faces, là, puis c'est ça. Tu parles sûrement de Vicky, là? Ah, je dis pas de nom. C'est qui ton préféré? Dis-le! Sinon, on commence par quoi? Ben, vas-y. Mon gros morceau, en fait, ça a été une pas de si grosse semaine ou deux semaines là, de visionnage de films parce que des fois, je traîne puis j'écoute des podcasts à la place puis fait que ça gruge tout mon temps. Puis j'ai recommencé à lire le roman Ça, It, je le lis en anglais, de Stephen King, que j'ai lu il y a une vingtaine d'années, fait que ça me prend beaucoup de mon temps aussi. Mais c'est ça, j'ai été voir au cinéma le film Spy de Paul Feig avec Melissa McCarthy, là, j'ai oublié des noms. Jason Statham, Jude Law, qui d'autre est là-dedans? Ah, comment est-ce que ça s'appelle, elle? Allison Janney, c'est ça son nom? C'est quoi, peu importe, une actrice dans la cinquantaine, je l'aime beaucoup. J'oublie son nom, mais en tout cas. Mais c'est ça, c'est une histoire de un peu à la James Bond. C'est beaucoup à la James Bond. En fait, c'est un peu un James Bond féminin. Puis, c'est Paul Feig qui a fait Bridesmaid, qui a fait The Heat, qui se prépare à faire Ghostbusters, ben, qui est en train de tourner Ghostbusters. Et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup d'avance. Puis, je sais pas, je lisais des commentaires, des trucs sur Melissa McCarthy, des gens qui sont un peu rebutés par elle, puis qui refusent d'aller voir le film parce qu'elle est là-dedans, tu sais, même si... tu sais, je sais pas, j'ai vu quelqu'un sur mon fil Facebook qui disait « Je veux pas aller la voir, puis... » Pourtant, je suis un gros fan de Jason Statham, mais je refuse d'aller voir le film parce que c'est Melissa McCarthy. Et je suis un peu outré par ça parce que c'est une actrice. Ben on peut ne pas l'aimer, là, ça je comprends, mais j'ai souvent l'impression que c'est à cause de son physique, puis ça me frustre au bout. Fait que, non, j'ai fait l'effort d'aller le voir, puis j'entendais plein de bons commentaires de critiques, tout ça, je lisais des trucs qui étaient très positifs, puis sérieusement, là, je suis sorti de là en me disant que c'était probablement la meilleure comédie que j'ai vue depuis très très longtemps. J'ai ri tout le long, je me suis esclaffé, là, j'ai ri à... C'est ça, moi et ma blonde, on a eu passé un très très bon moment au cinéma. Melissa McCarthy, elle est vraiment drôle. Puis c'est le fun dans ce film-là parce qu'elle ne fait pas la grosse butch comme dans Bridesmaid ou elle ne fait pas la grosse qui a juste pas de classe comme dans The Heat. Elle fait une fille normale, relativement proche de ce qu'elle est, elle, Melissa McCarthy, parce que tu sais, je la connais un peu comme actrice. Je l'ai vue dans Gilmore Girls où elle était plus naturelle, plus douce, plus gentille, plus féminine. Et c'est ce qu'elle fait un peu dans le rôle. C'est juste une employée de bureau à la CIA qui s'occupe Jude Law est un espion sur le terrain, puis elle, c'est son contact à l'ordinateur, puis elle lui dit tout dans son oreille qu'est-ce qu'il a à savoir, tu sais, sur les plans des lieux qu'il est en train de visiter et tout ça, puis aussi qu'il y a des ennemis, puis tout ça. Fait que, mais éventuellement, elle va être envoyée sur le terrain parce que, pour différentes raisons, je veux pas révéler rien du scénario, mais c'est elle qui va être envoyée sur le terrain, puis ben, on s'attend, tu sais, elle a pas de formation pour être sur le terrain, puis ben, ça, elle est gaffeuse un peu et tout ça. Mais j'avais peur au début que le film soit juste sur ses gaffes, puis que ça soit juste, tu sais, que ce soit juste elle qui soit gaffeuse et nounoune et tout ça. Mais c'est pas ça. Elle est pleine de ressources, puis elle est super intelligente. Elle est gaffeuse, oui, mais c'est pas ça le focus du film. En fait, on se rend compte qu'elle a plein de ressources, c'est ça, puis qu'elle a plein de trucs qu'elle... Tu sais, c'est parce qu'elle se faisait pas confiance, en fait. Fait que son personnage est super intéressant pour ça. Elle va prendre plus confiance pour devenir vraiment, vraiment bonne dans son rôle. Puis c'est semi-sérieux. Parce que les personnages sont vraiment sincères dans ce qu'ils font, dans leurs émotions, dans le sérieux des situations. Puis c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas une comédie loufoque où tu as l'impression un peu que ça se passe dans un univers parallèle où ce que tu comprends pas vraiment. Tu sais, l'humour a juste pas de bon sens. Puis tout. Non, dans ce film-là. Okay, dans le fond, c'est pas Tammy 2. J'ai pas vu Tammy, fait que je peux pas comparer, mais je voulais le voir. Mais tu sais, il y a des situations comme ça, des comédies que tu fais, mais d'où c'est que ça sort, ces jokes-là? Ça n'a juste pas rapport. Non, là, j'ai trouvé que c'était du monde assez grounded, du vraiment... Tu sais, c'est des caricatures, oui, elles sont très stéréotypées, mais ils restent quand même assez grounded dans une certaine réalité. J'ai pas mentionné Rose Byrne, qui est une actrice que j'adore, qui était justement dans Bridesmaid. Elle faisait un personnage très chiant dans Bridesmaid, puis elle fait encore un personnage chiant. Puis elle est bonne là-dedans. Je pense que Paul Feig a vu quelque chose... Le réalisateur, il a vu quelque chose en elle qui est capable de faire sortir en elle un petit côté chiant qu'elle n'a pas dans ses autres rôles, comme dans Insidious, où elle est vraiment plus gentille et douce et mère de famille et tout ça. Et là-dedans, c'est une méchante, puis elle joue tellement bien. Puis la relation qu'elle a avec Melissa McCarthy, c'est tellement jouissif. Là, puis Jude Law, il me fait chier parce qu'il vieillit pas. Il n'y a pas une once de graisse sur le corps, puis il vieillit pas pantoute, puis il fait un super de bon agent secret, puis juste l'intro de 5 minutes au début avec lui, puis Melissa McCarthy qui parle dans son oreille pendant qu'il fait une mission, c'est tellement drôle. Jason Statham, il est hilarant dans ce film-là. Je veux pas trop en dire sur son personnage, mais il est vraiment très drôle. Mais ça, il y a plein d'autres acteurs qui sont... Tu sais, il y a Bobby Cannavale, ou je sais pas comment prononcer son nom, mais il était dans Boardwalk Empire. Il y a... qui d'autre que j'ai vu aussi. En tout cas, il y a toutes sortes de personnages qui apparaissent, mais vraiment, là, sérieusement, je le recommande fortement. Si vous voulez rire du début à la fin, puis c'est pas niaiseux, le personnage de Melissa McCarthy, elle est pas nounoune, elle est vraiment débrouillarde et intelligente, puis on prend pour elle, puis on rit tout le long, puis j'ai eu un très, très bon moment au cinéma, puis je le recommande très fortement. Les critiques sont vraiment bonnes. J'ai une couple de mes contacts qui ont été le voir, là, puis ils ont vraiment pas mal tous adoré. Fait que, ça vaut la peine. Ça me donne envie de le voir. Si justement, vu que c'est pas, mettons, une Tammy 2, je pense que c'est peut-être ça qui rebute le monde, que ça soit juste de l'humour cabochon qui s'amuse sur sa grosseur, qui a de la misère à sauter. Ou non, pas tant que ça dans ce film-là, je trouve. OK. Parce que non, elle est pleine de ressources, puis elle se débrouille, puis son corps... pas grand-chose à voir là-dedans. Puis, qu'est-ce que tu avais pensé des autres films du réalisateur? As-tu vu Bridesmaid puis The Heat? Bridesmaid, je ne l'ai pas vu, mais je sais que Chantal est vraiment fan, elle a adoré. De toute façon, elle est fan de SNL déjà en partant. Puis, par contre, j'ai vu The Heat puis j'ai adoré. C'est un film qui m'intéressait pas au départ, puis j'ai trouvé que c'était une très bonne comédie. J'ai eu beaucoup de fun. C'est très vulgaire, mais c'est ça qui est drôle en même temps. C'est... Ça fait du bien de temps en temps, là, un humour comme ça, là. Fait que c'est un peu dans le même esprit, puis si tu vois le Bridesmaid, je pense que tu vas adorer ça aussi. Puis moi, j'ai très confiance pour Ghostbusters. J'ai bien hâte de voir Ghostbusters. Moi, je dis qu'il faut laisser sa chance. Ce réalisateur-là, là, pour l'instant, il a comme un parcours... Ben, je ne sais pas ce qu'il a fait avant Bridesmaid, mais pour moi, il a comme un parcours parfait avec ces trois films-là, puis j'ai totalement confiance pour Ghostbusters. C'est un gars qui est en train de quasiment révolutionner la comédie, un peu comme Jason Blum ou James Wan ont pu révolutionner le monde de l'horreur dans les dernières années. Paul Feig fait la même chose avec la comédie, je pense. Ou Judd Apatow, tu sais, quand il avait sorti ses premiers films, le monde avait... Ouais, ça fait une dizaine d'années, mais c'est ça. C'est le nouveau Judd Apatow dans un sens. Mm. Je pense, ouais. J'allais dire, je vais essayer d'aller le voir, mais en même temps, je veux tellement voir le nouveau film de Pixar qui a l'air. Ouais, mais c'est le prochain que je vais voir. Mais. Fait que je pense que c'est pas mal celui-là qu'on va aller voir en premier, moi, puis Chantal, je vais lui faire plaisir, parce qu'elle veut vraiment le voir. Puis, Moi, c'est le contraire. J'ai fait parce que je me suis dit, Spy est sorti en premier, fait qu'il y a, plus de chances de partir avant. Fait que je... Puis comme, ouais, non, ouais. Comme Inside Out est super populaire en ce moment, ben, je me dis, il va sûrement rester plusieurs semaines. Hein. Probablement. Moi, je vais parler d'un film qui est très frais dans ma mémoire. Je l'ai écouté hier soir, fait que je me suis dit, valait mieux que je parle de lui en premier. J'ai écouté Dungeon. Oh, oui. C'est un film écrit et réalisé par Joseph Gordon-Levitt. Levitt, je pense. Levitt. Tu l'as-tu vu? Non, mais j'ai vu le commentaire à Marc-Antoine Labonté sur ton sur okay. Facebook. Honnêtement, j'ai su que le film avait eu des critiques quand même assez difficiles envers lui. Tu regardes sur la plupart des sites, c'est des 2 sur 5, puis des notes globales de ça. Quoique sur Rotten Tomato, il y a quand même 80%. C'est pas si pire, hein, on se le cachera pas. Puis je connaissais rien du film. Moi, je m'attendais à ce que ça soit... en lisant le synopsis derrière, que ce soit une histoire d'amour concentrée sur Joseph Gordon-Levitt et Scarlett Johansson. Parce que là-dedans, dans le fond, c'est comme un couple qui vont être les stéréotypes du couple moderne d'aujourd'hui, mais vraiment, il a comme pris le cliché absolu. T'sais, Joseph Gordon-Levitt, là-dedans, il joue l'espèce de douchebag qui va s'entraîner à chaque jour, que sa voiture, c'est un monster call, qu'à chaque semaine, il s'amuse juste à fourrer une fille différente, puis qui n'est pas super brillant. T'sais, il ne savait même pas que sur Internet, il y avait une section d'historique des sites que tu as été voir, par exemple. Puis Scarlett Johansson, elle va jouer la bimbo typique également, qui mange sa gomme avec les boules à l'air, puis que... elle rêve juste de trouver le prince charmant en regardant des films romantiques hollywoodiens, puis c'est ça son fantasme, de trouver le prince charmant, tandis que Joseph Gordon-Levitt, lui, il n'arrête pas de regarder de la porn, puis lui, il désire juste trouver une fille qui va lui offrir le même feeling que qu'est-ce qu'il y a en regardant de la porn, en trippant là-dessus. Les 30 premières minutes, j'étais comme... Non, j'accrochais pas parce que j'aimais pas justement les deux personnages. Parce que, ok, ouais, je comprends qu'il voulait faire une espèce de critique du couple moderne, mais c'est qu'il a pris, il a écrit deux personnages qui sont vraiment les stéréotypes clichés à 100% de qu'est-ce qu'on peut voir depuis des années. Puis ça, c'est juste des personnages qui n'étaient pas attachants. Ils me tombaient ses nerfs. D'habitude, c'est le genre de personnes que dans la vie, j'ai même pas envie de fréquenter. Ils me tombent ses nerfs. Puis là, la manière que ça commence vraiment comme un film d'amour, puis ça va se diriger entre les deux, puis là, tu dis, OK, ça va continuer qu'au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'il a peut-être trouvé l'amour de sa vie avec Scarlett Johansson, qui va changer, qui va arrêter de coucher avec une fille différente à chaque semaine. Et non, finalement, le film prend un revers intéressant et ça devient plus un film qui parle de la dépendance à la pornographie juvénile, que c'est considéré comme une drogue. Il y en a pour qui c'est vraiment difficile. Puis c'est un peu... C'est là-dessus que le film va se concentrer. Juvénile? Je pensais que c'était juste la porno, mais c'est porno juvénile? J'ai-tu dit porno juvénile? Oui, t'as dit ça. Ah, excuse-moi. J'étais comme, OK, c'est vraiment tordu, là. Non, non, excuse, je veux juste dire la pornographie. L'image que j'avais du film, c'était une sorte de version un peu romantique et comique de Shame avec Michael Fassbender, tu sais, qui était accro à la porno, puis, mais lui, okay. C'était vraiment plus dramatique. Là. Ben, j'ai pas vu Shame, fait que je pourrais pas comparer, mais je te dirais que le côté romantique de Dungeon prend le bord assez rapidement, puis à un moment donné, il va vraiment se concentrer sur le problème qu'a Joseph Gordon-Levitt. Puis c'est là que le film devient le plus intéressant, parce que les 30 premières minutes où c'est basé sur la routine de couple entre lui et Scarlett Johansson, Ça m'intéressait pas, je m'intéressais pas au couple, j'avais pas envie que ça devienne vraiment un couple qui allait se marier ou quoi que ce soit, puis j'aimais pas ça, puis c'est à partir de justement quand on se concentre sur ses problèmes, à tous les jours il va à l'église, puis il parle au prêtre, puis il dit « Cette semaine, je me suis masturbé 38 fois, 38 fois dans la journée, ou en tout cas, peu importe. » Puis à la fin, le prêtre, il dit « Ok, je te pardonne, tu vas faire 10 « Salut Marie-Joseph » puis toute l'équipe. » Puis lui, il se base là-dessus comme étant des notes. Plus qu'il doit faire de Marie-Joseph, ça veut dire que ce qu'il a fait est plus mal, puis moins qu'il peut en dire, il est plus fier de lui. Fait qu'il essaie de regarder moins de porn, puis en espérant que le prêtre va lui dire, « OK, ben cette fois, tu peux juste dire 5 « Salut Marie-Joseph », puis ça va être bien correct. » Puis le ton du film est quand même semi-sérieux. T'as tout le temps un second degré qui est quand même assez humoristique. des petites jokes par-ci par-là, mais je trouve que c'est le sujet justement de la dépendance à la pornographie est quand même traité avec sérieux, puis quand même avec qualité. Tu sais, c'est quand même le premier film qu'il réalise puis qu'il scénarise. Puis je trouve qu'il y a vraiment un talent de réalisation puis un talent de scénariste. Il y a des bonnes idées. C'est juste dommage, comme je dis, que le côté stéréotype puis cliché, il ait choisi ça pour ses personnages parce que vraiment, ça prend une bonne demi-heure avant que tu finisses par accrocher un peu plus puis à pas trouver que ça soit si mauvais que ça. Parce que la première demi-heure, je l'ai vraiment trouvé mauvaise. La finale, par contre, est un petit peu trop hollywoodienne. Ça finit vraiment comme happy end, puis tout qui finit bien avec une espèce de petite morale. Puis je trouve que c'était pas nécessaire avec le sujet du film. On n'a pas besoin de se faire donner une morale. Un autre personnage, par contre, que j'ai trouvé génial, c'est Ed de Julianne Moore, qui est comme le personnage qui va venir un peu changer la routine de sa vie, puis c'est elle qui va venir modifier les choses. C'est un personnage super intéressant. La première fois qu'on la voit, elle est juste en train de pleurer sur le bord de la porte d'école puisqu'il essaie de reprendre ses études. Puis en la voyant, il est comme, oh non, juste une crise de folle qui pleure sur le bord de la porte, elle essaie de marcher sans rien dire, puis elle se dépêche à marcher. Puis tout le long des journées qu'il va à l'école, il essaie de l'éviter, mais elle est tout le temps après, puis elle essaie tout le temps d'essayer de discuter avec lui puis d'élaborer. Puis j'ai vraiment aimé la chimie qu'ils avaient entre les deux. C'est vraiment intéressant. Puis je pense que c'est les meilleurs moments qu'on a avec les deux personnages que ceux d'Alex Scarlett Johansson. Fait que je suis pas du même avis que Marc-Antoine. J'ai pas détesté ça. C'est pas un film raté complètement. Mais c'est pas un excellent film. Mais les parties où ça se concentre sur les problèmes qu'a Joseph Gordon-Levitt, je trouve que c'est bien mené, c'est bien maîtrisé. Puis il y a quand même un talent derrière tout ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas un sujet qu'on a vu souvent que ça. Comme tu dis, il y a le film Shame avec Michael Fassbender que j'ai pas vu, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas si régulièrement, puis ça a l'air con, mais c'est vraiment un gros problème. Puis la manière qu'il en parle dans le film, par moment, c'est intéressant. Il y a une fille qui dit à un moment donné, littéralement, c'est comme, t'es accro à la porno, puis c'est vraiment rendu une drogue comme toi. Il dit, de quoi tu parles? C'est juste de la porno, je peux arrêter quand je veux. Tu sais, j'écoute pas de la porno, c'est pas comme l'héroïne, là, je suis pas en train de me droguer pour m'évader, tout ça. Mais lorsqu'il en parle, lorsqu'il écoute de la porno, il dit, je m'évade, je m'en vais complètement ailleurs, je suis hors de mon corps, puis je me sens bien. Puis la manière qu'il en parle, mais c'est comme un drogué qui parle de l'effet que ça a, l'héroïne, sur lui. Fait que tu sais, plein de petites dialogues de même qui sont vraiment intéressants. Fait que je pense pas que ce soit un mauvais film. Je le conseille quand même. Je trouve qu'il y a un potentiel, Joseph Gordon-Levitt, derrière la caméra, puis en tant que scénariste. Et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il pourrait nous offrir comme prochain film. Ça m'intrigue beaucoup. Mais sinon, Dungeon, moi, je trouve pas que c'est la merde de l'année, comme plusieurs ont dit. Là. Ça a ses défauts, mais ça a aussi ses qualités. On a un commentaire sur YouTube justement par rapport à ça, que Gordon-Levitt va réaliser Sandman de Neil Gaiman, que je connais pas. Est-ce que tu connais? Non, je connais pas. Non. Il y en a un qui dit d'X-Men Dungeon égale Jersey Shore. Ouais. je peux pas te l'enlever. Comme je dis, les 30 premières minutes, c'est vraiment ça. Puis avec des personnages insignifiants qui s'amusent juste à donner des notes dans le club... sur le physique des filles. OK, elle, j'y donne 8 parce qu'elle a des grosses boules. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé la première demi-heure. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment un film de douchebag. Puis j'étais comme, c'est-tu vraiment vers ça que ça va aller jusqu'à la fin? Puisque comme premier film, il me semble que Joseph Gordon-Levitt est plus intelligent que ça que nous offrait. Ça fit avec son personnage, non? De faire en sorte que les filles soient du... c'est quoi le mot? Comme si les objectifier dans le fond de serait un objet, c'est pour lui. Mais c'est ça, au fur et à mesure que le film avance, finalement ça fait du sens. C'est juste que, comme je dis, si tu le prends hors contexte, que quand tu commences le film, c'est pas bon, ça te tombe sur les nerfs. Ouais. Puis c'est vraiment, comme je te dis, c'est vraiment stéréotypé au max. Je pense pas que c'était nécessaire de prendre automatiquement le douchebag training, voiture muscle car, puis tous les trucs qu'on a pu voir 10 millions de fois dans le cinéma. Je trouve qu'il aurait pu faire des personnages plus intéressant, ça a tombé là-dedans. T'sais, il joue très bien, le douchebag, il l'a vraiment très bien. T'sais, j'ai vu cet acteur-là jouer tellement de personnages différents dans Usher, si je ne me trompe pas du titre, il joue un espèce de métalleur. Natalie Portman, je pense. Ouais, puis il joue un gros métalleur. Puis là-dedans, il joue super bien le douchebag. Puis Scarlett Johansson en bimbo aussi, elle l'a super bien, tout le temps avec sa grosse gomme. Puis hey, babe, comment ça va, babe? Je vais pas t'écouter de la porte, babe. C'est juste que ces personnages-là m'ont tombé sur les nerfs, mais comme je dis, il y a quand même une évolution, puis le personnage va finir par changer d'attitude, puis un peu changer son mode de vie, puis ça devient plus intéressant. Autre point, merci Joseph, grâce à toi, j'ai Good Vibration de Marky Mark dans la tête, parce qu'elle joue deux fois dans le film, puis asti, qu'elle reste dans la tête, puis c'est tellement drôle. Come on, feel it. Le moment que ça arrive, il fait juste se promener en voiture, puis là, il chante au bout, il est là, Good Vibration, puis là, il arrive à une lumière rouge, puis il y a des personnes à côté de lui, la fenêtre baissée, puis il arrête de chanter. Là, le monde recommence à rouler, puis il est comme « Good vibration! » Puis je me suis dit « Hey, moi aussi, je fais ça. » Tu sais, quand tu chantes une chanson kitsch dans ton short, t'es pas fier, puis là, t'arrives à côté du monde qui a des fenêtres baissées. T'es comme « Oh, non, je baisse le son. Ah, j'écoute rien, j'écoute... » J'ai trouvé ça vraiment très drôle, mais non. Bon, ben, tu peux fournir la toune pour la version podcast de notre épisode d'aujourd'hui. Là, ouais, c'est vrai. Ça va finir l'épisode. Ça va c'est être parfait, ça. C'est « Good vibration! » Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un blogueur, il y a peut-être l'année passée, ouais, c'était en 2014, je pense, qui s'appelle Mathieu Saint-Onge. J'essaie de vérifier sur Google depuis tantôt si c'est bien ça. Je me trompe peut-être de nom, mais il me semble que c'est Mathieu Saint-Onge sur le trouble.voir.ca. Oui, qui était ami avec Gabrois et qui avait fait une vidéo sur sa dépendance à la pornographie. Oui, mais je trouvais ça super intéressant, moi, personnellement, son vidéo. Puis ça montrait ça de manière très réaliste. Puis quels étaient les effets de la dépendance à la pornographie et tout ça. Fait que je pense que ça, ceux qui s'intéressent vraiment au sujet peuvent aller voir ça parce que c'est vraiment quelqu'un de vrai qui vit vraiment ça puis qui a essayé de s'en débarrasser. Tu sais. Je me disais même que la vidéo devrait être montrée dans les écoles quasiment pour montrer qu'est-ce que ça fait. J'ai vraiment adoré la vidéo puis ça l'avait fait beaucoup jaser quand il l'avait sorti. Justement, il avait passé une couple d'émissions de téléjournal. Puis non, c'est vraiment un problème assez fréquent dans la société d'aujourd'hui puis le monde le savent pas tout. C'est pas quelque chose d'aussi connu, je dirais. Puis... Oui, c'est parce qu'ils veulent pas l'avouer. Oui, ils veulent même pas se l'avouer à eux autres même qui ont un problème. Comme tu dis, comme le personnage de il veut pas se l'avouer lui-même. Non, c'est ça. Pour lui, c'est comme il peut arrêter quand il veut, mais à chaque fois qu'il essaye, il est incapable, puis il finit par se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui te loche. C'est vraiment une drogue. Puis c'est tellement drôle parce que pour interpréter la manière à chaque fois qu'il va aller écouter de la porn, t'entends juste le bruit d'un Mac qui s'ouvre, ça fait un ding. Fait que. À chaque fois qu'il est insatisfait, tu sais qu'il va aller vers là. Fait qu'à chaque fois qu'il couche avec une fille différente à chaque semaine, tu vois juste qu'il se lève de son lit, puis le plan de la caméra reste juste sur la fille qui dort. Puis à un moment donné, t'attends juste un ding. Je trouvais ça vraiment drôle. Il y a vraiment des bonnes idées, sérieusement. Je trouve que le film mérite pas d'être autant bâché. J'ai vraiment été un peu surpris. Chantal, elle, je pense qu'elle a vraiment détesté. Elle a trouvé que c'était un film vraiment con. Mais. Je peux pas vraiment la contredire. Il y a vraiment des éléments cons dans le film, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. Non, ben, je suis curieux. À un moment donné, j'ai une liste longue comme le bras et plus longue encore de films. Ouais, moi aussi. Là, mais... En fait, ça l'a donné que j'ai été au Vidéotron et qu'il faisait une grosse méga vente. C'était 10 films pour 25$. Fait que okay. Je l'ai pris dans Bill. Je me suis dit à ce prix-là, autant l'essayer. Ça a juste été un add-on. Il n'y a pas le Scaphandrier qui est sorti cette semaine aussi? Ça, je suis bien curieux de voir ça éventuellement. Honnêtement, il y a deux pochettes de DVD. Il y a la normale avec l'affiche qu'il y avait au cinéma, puis il y a une autre pochette que c'est la pire pochette que j'ai vue à date cette année en termes de DVD. C'est comme le film est déjà de la misère à se vendre. Ça va détruire cette pochette-là. Elle est vraiment dégueulasse. Oh, elle est dégueulasse. Je vais essayer de la prendre en photo avec mon cellulaire, puis je vais la mettre sur le bras de faire des films. Je l'ai vue à une place, puis c'était dans un vidéo. Tu veux pas te l'acheter? Le film? Mm-hmm. Et 24$ de DVD. Ouch. OK. Je paye plus ça pour un DVD. Puis j'ai quand même commencé les 30 premières minutes à se faire écran. Et ça vaut pas 24$. Non. Je vais l'écouter au complet. Quand je commence de quoi, je veux le finir. Mais c'était pas très bon. Je suis désolé de le dire. On a fait un interview sur un gamer avec le réalisateur. Puis. Moi, tant qu'à moi, j'aurais voulu juste donner des éloges puis tout ça, mais regarde, en même temps, je ne vais pas faire mon hypocrite puis la critique est là pour quand même être là, il faut s'exprimer, puis je le dis de manière polie puis je ne suis pas en train de dire que c'est un esti de gros réalisateur de merde, puis t'as dit, mais c'est juste des 30 minutes que j'ai vues, je trouve que c'est un film qui a du potentiel, qui a été mal géré puis mal fait, c'est très mal fait, malheureusement. Bon, ben un jour, il sera peut-être au bras de faire des films dans la section Navet, Nord... Oui, ça se peut. Avec le poil de la bête et d'autres films du genre. Ah, il y a David Michaud qui a vu la pochette. Il dit, j'ai cru à une joke. Non, c'est pas une joke, David. Puis non, elle est vraiment pas belle, je revenais pas. Hey, là, je suis vraiment curieux de la voir. une question avant que j'embarque dans mon autre film. Sur ton t-shirt, j'essaie de me rappeler à quoi fait référence le Jack. La tagline s'adressait à qui à ce moment-là dans... Sorry, Jack. Ben Jack, j'imagine, c'est celui qui est en train de couper la tête, l'espèce de... Ah, Jack in the Box, ben oui, ok, c'est beau, ok. Ouais. Mais c'est pas mal tout. Oui, ouais, c'est vrai, ok, c'est beau, je voyais juste la tête de Chucky, je me demandais. Puis t'avais aussi Dolly Harvest, je pense le titre, la poupée féminine, puis c'était la même pochette. Ouais. Elle faisait comme... Sorry, Chucky. Ouais, ça disait la même phrase, salut Chucky, Dolly est là, c'était la même phrase. Je pensais que ça faisait référence à quelque chose, à un film, ouais, t'as raison, c'est Jack in the Box. Mais quand t'écoutes Dolly, c'est comme, ben, Chucky, il a pas à avoir peur. Là. Non, mais je voyais la pochette quand j'étais jeune, puis j'ai jamais voulu le louer, j'étais comme, je me doutais que c'était poche, là, que... Surtout quand tu t'attaques à une franchise, c'est comme, tu voyais des pochettes des fois avec plus effrayant que Jason et Freddy combinés, c'est comme, non. Vends-moi pas ça comme ça, là, ça marche pas. Il y a un film, justement, ça, tu me rappelles, j'avais loué quand j'étais jeune dans un club vidéo, ça s'appelait The Fear, la peur, il y avait le 1 puis le 2. Ah, oh, c'est pas un mannequin en bois? En bois, ça. Indien, puis que ça reflétait les peurs du monde. Puis sur la pochette, c'était écrit « Oubliez Freddy, oubliez Jason, oubliez Michael Myers, ceci, c'est la vraie raison d'avoir peur. » Puis quand j'étais jeune, je suis comme « Wow! » J'écoutais ça, puis j'étais comme « Foutage de gueule de publicité pour essayer de vendre leur film cheap. » puis Ah, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu les deux. Mais non, c'est vraiment pas... Non, c'est pas bon. Sinon, moi, j'ai vu Boyhood sur Netflix. J'ai pu finalement rattraper un retard, un de mes nombreux films en retard. Je suis déjà un fan de Linklater, puis j'étais déjà un fan du principe de base de filmer les acteurs pendant 12 ans. Fait que je me doutais que j'allais aimer ça, puis ça a été le cas. Je suis sorti du film, puis la première chose que j'ai écrit sur Facebook, c'est « Wow » en majuscule. C'est 2h30, quasiment 3h, que j'ai même pas vu passer. Ma copine aussi est d'accord, on a eu du fun à regarder ça, à voir évoluer des personnages, puis je trouve que ça ajoute quelque chose vraiment d'intéressant, le principe, c'est ça, d'avoir filmé sur 12 ans. Et parce qu'à la base, l'histoire est vraiment simpliste, en fait. Et puis, tu sais, dans un autre film, ça serait un peu banal, mais je trouve que dans ce cas-là, ça fonctionne à fond parce qu'on les voit évoluer, on les voit grandir, on les voit changer. Et, mais justement, je voulais te le demander, c'est un film qui a beaucoup fait parler, qui est allé aux Oscars, justement à cause de son concept. C'est tout le temps quelque chose qu'on en revenait. Là, tu écoutais le trailer, la première chose que ça disait, un film qui a pris 12 ans à tourner. Si tu enlèves le concept puis toute cette affaire-là, que ça a pris 12 ans de tourner avec les mêmes acteurs qui grandissent, est-ce que le film serait fait autant parler aujourd'hui? Non, t'sais? Non, probablement pas, non. Non, c'est ça, mais c'est pas tous les films non plus qui se rendent aux Oscars à cause de le scénario. Des fois, c'est les prouesses techniques ou c'est les... Ouais. Je sais pas, t'sais. Celui-là, c'est vraiment ça, son attrait. Puis les performances sont bonnes, surtout les adultes. J'ai vu quelqu'un sur mon profil Facebook qui m'a dit que lui était juste pas capable d'endurer le jeune une fois qu'il était rendu adolescent. Plusieurs personnes ont dit ça. J'ai pas eu de misère. Ça, juste, moi, je trouvais que ça faisait partie de sa personnalité, sa manière d'agir. Il était naturel. Je trouvais que c'est comme si tu dirais comme si je verrais un jeune grandir dans la vraie vie, puis que rendu adolescent, son comportement ou son tempérament me taperait ses nerfs. Je veux dire, là, moi, je le trouvais naturel comme acteur. C'est peut-être... Je pense surtout que le monde avait de la misère, parce que le film garde un côté très réaliste. T'as quasiment juste l'impression de regarder, durant 12 ans, quelqu'un qui a filmé avec sa caméra la routine et la vie d'une famille, sans rajouter de mélodrame, sans rajouter de gros trucs hollywoodiens. Ouais. Fait que c'est vraiment une vie normale. Il n'arrive jamais vraiment rien d'extraordinaire. Puis comme tu dis, un coup qu'il devient adolescent, il est juste comme un adolescent bien normal qui est un peu renfermé sur lui-même et qui parle pas trop. Mais ça, au pire, ça me dérange pas. Il y a des trucs que je trouvais vraiment le fun, juste de le voir agir, de le voir parler avec ses blondes, les premières blondes qui s'est faites. Mm-hmm. Jusqu'à la toute fin, là, il sort avec une couple de filles. Puis les discussions qu'il y a, ça m'a fait penser à qu'est-ce que moi j'étais quand j'avais 17, 18, 19, 20 ans. Puis que tu te rends compte à cet âge-là, tout a tellement l'air intense, puis sérieux, puis important. Les discussions portent sur la vie, sur le sens de la vie quasiment, puis les jeunes pensent avoir les réponses à tout. Puis tu sais, quand t'es rendu plus vieux, dans fin vingtaine, des trentaines, tout ça, tu te rends compte que c'est pas le cas, là, tu sais, qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais quand t'es jeune, c'est ça, je les voyais agir, puis ça me faisait juste me faire penser à me remettre un peu dans cet état d'esprit-là de quand t'es ado. Puis Patricia Arquette est super bonne dans le film. Ah, vraiment? Je trouve ça quand même assez intéressant comment ce qui est... C'est un travail du réalisateur puis des acteurs d'arriver à maintenir le ton pendant 12 ans, de garder en tête ces personnages-là. Puis, j'imagine qu'il devait seulement filmer une fois de temps en temps, puis de se replonger là-dedans, puis de se replonger dans les relations, puis dans la dynamique. Parce qu'à travers ça, il faisait d'autres films, il y avait d'autres projets, il y avait toutes sortes de trucs dans leur vie qui sont passés, des années qui sont passées. Puis, c'est de retomber tout le temps dans cette dynamique-là, puis d'avoir le ton juste, puis de retrouver ce qu'ils avaient fait précédemment. C'était pour que tout le film soit égal, en termes de ton, je trouve ça vraiment le fun. C'est un concept vraiment ambitieux, mais tellement risqué. Ça aurait pu se planter. Oui. Quelqu'un aurait pu mourir dans le cast. Mm. Mais en même temps, il l'aurait intégré. Dans le fond, c'est pas ça que tu disais, mais mon point de quelqu'un qui peut mourir, dans le fond, ça s'annule parce que quelqu'un, je pense qu'il l'aurait juste mentionné dans le film, il l'aurait écrit dans le film, puis le personnage serait mort. Ouais. Tandis que toi, ce que tu dis, c'est que ça, c'est un pari risqué parce que c'est tout le côté, comme on disait, de garder ça constant, garder ça. Surtout, moi, qu'est-ce qui me fait demander, c'est. Sur 12 ans, est-ce que le scénario reste le même? Est-ce qu'il a écrit le scénario pour que ça soit prêt sur 12 ans ou il s'adaptait puis il changeait, il modifiait, ou même si le scénario il écrivait peut-être à mesure un peu pour ça? Moi, j'aurais l'impression que ça serait ça. Moi, je l'aurais fait le film, puis je l'aurais un peu écrit à mesure, un peu improvisé. C'est des acteurs qui sont capables d'improviser de toute façon. Mm-hmm. C'est ça, Ethan Hawke, c'est un acteur que j'adore. Puis en gros, là, j'ai vraiment eu du fun à les voir évoluer, puis ça me dérange pas qu'il n'y ait pas un gros drame ou une grosse trame narrative. Moi, juste les voir agir en tant que famille, puis les voir évoluer, je trouvais ça le fun. La dynamique entre le frère puis la sœur, puis... Tu sais, au début du film, j'étais vraiment surpris. Tout le long des derniers mois, je pensais que le film focusait vraiment juste sur un petit gars, tandis que tu te rends compte au début que c'est... Pendant la première demi-heure, c'est vraiment juste le frère puis la sœur, puis le... Puis comment est-ce que les autres ils se sentent par rapport au divorce de leurs parents, tu sais, c'est vraiment son unité, là, son soudés l'un à l'autre quasiment, le frère et la sœur, puis tout ce qu'ils vivent, ça les affecte tous les deux, tu sais. Puis non, j'aimais ça, cette dynamique-là, puis la dynamique entre le père et le fils, puis toutes ces choses-là, puis la mère, comment est-ce qu'elle se débrouille pour évoluer, devenir meilleure dans sa vie, puis retourner aux études, puis se trouver une meilleure job, puis tout, puis... C'est ça, c'est la vraie vie, c'est bien banal. Puis, en même temps, c'est ça, je peux pas reprocher à ceux qui ont... Il y en a qui ont vraiment été sévères, là, qui disaient que c'était un film qui raconte rien, que c'était un mauvais film qui a du succès juste à cause de son concept. Puis en même temps, je peux pas leur dire forcément le contraire, parce qu'ils ont un peu raison que c'est vraiment, comme tu disais, à cause du concept, puis que le film se passe pas grand-chose, c'est un film naturel, fait que... C'est soit t'aimes puis t'apprécies. Ouais, mais tu sais, c'est qui dit ça? En même temps, c'est le monde s'est rendu impatient, puis tout ce qui... Tu sais, Hollywood les a rendus tellement impatients. Tout ce qu'ils veulent, c'est des explosions, puis du drame, puis des ci, puis des ça. Tu vas voir n'importe quel film français ou presque, ou plein de films américains d'avant les années 80, avant les gros blockbusters, que tu sais, des films où ce qui se passait pas grand-chose, puis que les gens faisaient juste jaser, puis vivre leur vie, puis ça avait juste une petite tranche de vie, tu sais, c'était assez courant, là, je veux dire. Prends n'importe quel film français, il se passe pas grand-chose, c'est juste du monde qui jase. Ouais. C'est drôle parce qu'il y en a qui reprochaient souvent aux films américains de sombrer dans le mélodrame, c'est quelque chose que je voyais souvent, et là, il y en a qui disaient qu'il n'y avait pas assez de mélodrame. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, il faut peut-être essayer de trouver une ligne et de savoir qu'est-ce qu'on veut, parce que je trouve que le film contient des moments touchants et des moments qui viennent pareil nous chercher sans que ça soit trop. T'sais, on n'est pas obligé de pleurer. On n'est pas obligé d'avoir une scène qui va s'éterniser entre Ethan Hawke et le fils. À la fin, tu as une discussion en haut de l'escalier entre ces deux-là. Puis tu as l'impression que là, tu dis « Ah, ça va être une grosse scène. » C'est là que le côté mélodrame va être là puis qu'on va sans doute pleurer. Puis, pas tant que ça. La scène, elle garde juste une ligne bien correcte puis ça va jamais trop loin. Moi, je trouvais que c'était ça tout le film, puis ça va bien. C'est ça la personnalité du film. Moi, j'ai eu des petits frissons, puis peut-être une petite larme à l'œil à son party de graduation, un moment donné, quand son père fait un petit speech, puis sa mère fait un speech, puis ça m'a touché. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le serveur. Je ne vais pas spoiler, mais en même temps, je vais spoiler un peu, mais le serveur que Patricia Arquette et les enfants rencontrent après plusieurs années dans un restaurant, puis sa vie a été changée par Patricia Arquette. Puis je trouvais ça super touchant. Puis, c'est une petite touche de rien du tout, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis, ben c'est ça. Non, moi, je le recommande fortement. Puis c'est sûr qu'il faut aimer les films lents. Il faut aimer les films où ça fait juste jaser. Mais c'est pas, pour moi, c'était pas un problème. Puis tu sais, c'est assez rare en général. Je veux pas non plus me mettre au-dessus des autres. Là, mais c'est assez rare en général que je regarde un film en essayant d'y... Tu sais, en ayant en tête les choses que je voudrais que ce film-là soit, tu sais... Pour apprécier le film, il faut que tu l'acceptes tel qu'il est, puis que tu arrêtes de dire « Ah, oh, j'aimerais mieux que ce soit ça, j'aimerais mieux que ce soit ça », tout le long que tu le regardes. T'sais. Prends-les pour ce que c'est, puis accepte la convention, accepte qu'est-ce qu'on t'offre, puis tu peux critiquer ça, mais commence pas à dire « Ah, oh, j'aurais préféré que ce soit plus ça, que ce soit plus ça », c'est comme « Mais c'était pas ça, là ». C'est toujours plus facile dans ta tête de dire « Moi, j'aurais fait ci, ça aurait été meilleur, il aurait dû faire ça », mais quand c'est toi qui es en train de réaliser le film, tu es derrière la caméra, puis tu as tout ça à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, là. T'sais, juger devant un écran de télévision, c'est tellement facile. Plus de mélodrame, ça m'est même pas vraiment passé par la tête. Je me suis pas non plus... C'est comme dire « Ah, j'aurais préféré que ce soit une comédie musicale » ou « J'aurais préféré que ce soit... Il n'y a pas assez de Il n'y a pas assez de scènes de guerre ou non, c'est comme. C'est, le film, c'est ça. T'sais. Le film, il n'y a besoin de rien. C'est juste un beau film, une odyssée sur la vie. C'est tout. C'est ça. Tu pas besoin de plus, là. Mais non. T'sais, nous autres, dans nos vraies vies, on n'est pas en train de pleurer à chaque semaine. Là. C'est pas un soap québécois. Le film La Vie, puis c'est ça. En tout cas, moi je le recommande. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Pareillement, je le recommande, puis j'en avais parlé, puis j'avais beaucoup apprécié. On est en train de lire tous les deux le même commentaire. Ouais, c'est non, c'est ça. Il y a D-Max qui dit, j'ai entendu dire dans un autre podcast que le film aurait pu facilement être coupé de 45 minutes par rapport à ses longueurs terminales, mais je suis curieux. Honnêtement, là, quand j'ai fini le film, j'en aurais pris une heure encore. Mais tu sais, tu pourrais dire la même chose de Before Sunrise, Before Sunset, puis Before Midnight, mais ces films-là durent juste une heure et demie. Tu pourrais couper la moitié, ça ne changerait absolument rien à l'histoire quasiment, parce qu'ils font juste jaser de tout et de rien. Mais c'est ça... Ça fait partie du style du réalisateur, ça fait partie du charme de ces films-là, de voir ces gens-là évoluer dans le cas des trois films que je viens de nommer, c'est quasiment en temps réel à chaque fois. Tandis que là, ben, c'est sur 12 ans, tu sais, c'est tout le temps le rapport avec le temps. Puis, moi, j'ai trouvé que les trois heures passent vraiment vite, puis comme je dis, j'en aurais même pris encore, là, surtout le moment qu'il était jeune, petit garçon avec son beau-père, puis moi, j'en aurais pris encore plus, là. J'ai jamais trouvé que c'était long. J'étais pas prêt à voir Ethan Hawke avec une moustache et des cheveux gris. Ben, ça, c'est un autre point intéressant, je trouve, du film, c'est que tu n'as jamais de mots ou de quoi qui va dire 10 ans plus tard, 3 ans plus tard. C'est toi qui vas l'interpréter tout seul à chaque fois. Selon la technologie que tu vois dans les mains de quelqu'un, ou selon les événements du monde qui sont mentionnés. Moi, j'ai trouvé ça bien parce que c'est en même temps, ça prend pas le spectateur pour un compte. Le public est capable de réfléchir et de se rendre compte que, OK, non, ça a évolué, là, il est rendu à peu près à tel âge. Puis, pas besoin de nous l'écrire en gros caractère blanc à chaque fois. Fait que nous deux, on le recommande. Ouais. Moi, je vais parler de Kingsman. Oh! Un film que j'avais très hâte de voir, j'avais manqué au cinéma. C'est réalisé par Matthew Vogt, qui a réalisé Kick-Ass, qui a fait X-Men First Class, puis son premier film, Layer Cake. Stardust aussi. Excuse-moi, j'oublie tout le temps celui-là, puis je devrais pas. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il est bourré de talent. Il est super talentueux quand c'est le temps de réaliser des scènes d'action. Il est autant à l'aise avec l'action, avec l'humour. Ou de quand c'est le temps de développer ses personnages, de s'y intéresser. Fait que j'avais hâte de voir Kingsman au bout, mais malheureusement, je l'avais manqué. Fait que finalement, je l'ai vu en Blu-ray et j'ai pas été déçu. J'ai adoré Kingsman. Matthew Vogt est un gros fan numéro un, puis ça paraît des premiers James Bond britanniques. Puis ce film-là, c'est une déclaration d'amour à James Bond, puis à aux espions britanniques. C'est vraiment merveilleux. Ça a un charme incroyable. C'est Colin Firth qui va jouer l'agent principal. Il est tellement classe. Puis je pensais pas, j'aurais jamais cru que Colin Firth serait capable d'être aussi à l'aise en termes de scènes d'action et de combat. C'est super fluide. C'est super bien chorégraphié. Je pense qu'il a fait comme 80% des cascades du film. Il s'est pratiquement fait jamais doubler. Puis il est vraiment impressionnant. Il se donne à fond. Il s'amuse. Puis le film est drôle, mais il bascule tout le temps entre de ton. Par moment, t'as vraiment un feeling de regarder un film d'espionnage des années 70 britannique. Tout d'un coup, ça rajoute un petit peu d'humour. Un autre coup, ça devient complètement surréaliste. Puis tu te retrouves quasiment dans une scène hyper violente d'action avec des personnages qui sortent d'un comic book à la Kick-Ass. Puis le film bascule constamment, mais ça a une bonne chimie et tout se relie vraiment bien. Puis, dans le fond, Colin Firth va recruter deux jeunes, plusieurs jeunes qui vont amener à cette espèce d'école-là, les Kingsmen. Ils vont tous devoir passer des étapes pour finalement qu'à la fin, il reste une personne qui va devenir le prochain Kingsman, qui va faire partie du groupe. Tu as un petit nouveau là-dedans qui s'appelle... son nom n'est même pas marqué sa pochette, mais c'est lui qui va jouer le principal là-dedans. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il est super charmant, il est super drôle, super bonne chimie. L'humour du film est très britannique. Moi, j'adore. Je suis un fan d'humour britannique. Je suis un fan de Simon Pegg, de Shaun of the Dead. Fait que moi, l'humour british, j'adore ça au bout. Sinon, que je dis, Samuel Jackson joue le méchant principal là-dedans. Au début, j'ai eu peur parce qu'il parle tout le temps comme ça. Bon, mais qu'est-ce qu'on devrait faire un peu? Je ne sais pas. Je me demande. Puis il parle tout le temps comme s'il y avait un poil sur le bout de la langue. Au début, j'ai comme fait... je ne sais pas. Puis finalement, ça marche, ça colle au personnage puisque le personnage a un petit côté féminin, si on veut. La vue du sang, les cœurs. Fait qu'à chaque fois qu'il voit une goutte de sang, il est tout le temps comme sur le bord de vos mains. Mais tu sais, c'est comme le méchant démoniaque qui veut contrôler le monde. Puis il est tellement drôle. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Samuel Jackson dans un rôle drôle puis naturel sans que ça soit une auto-parodie de lui qui est tout le temps en train de faire « motherfucking » quelque chose, ouais. Comme dans Snake on a Plane, là, tout en train de s'auto-parodier. Ça me gosse. Là, on le retrouve vraiment dans un bon rôle. De Michael Caine, il y a une petite apparition, mais son personnage n'est pas très présent, mais il est quand même agréable. Là-dedans, tu as une des méchantes vilaines principales qui est la garde du corps de Samuel Jackson, qui a des espèces de lames à la place des pieds, puis qu'elle fait toutes sortes de pirouettes pour découper les ennemis. Elle est écœurante. Non, vraiment, je le conseille fortement. Moi, c'est sans doute le film que j'ai eu le plus de plaisir en termes d'action cette année avec Mad Max. Et honnêtement, si on laisse Mad Max de côté, il y a une scène dans ce film-là, la scène de l'église. Je ne vais pas en parler en détail, c'est une des scènes qui a été le plus parlée, mais c'est la meilleure scène d'action de l'année. Cette scène-là justifie à elle seule, même si ce n'est pas juste ça, évidemment, le visionnement du film a été cohérente et over the top. J'aurais jamais cru voir quelque chose comme ça dans un gros blockbuster, parce que je veux pas, c'est ce que c'est un gros blockbuster à des millions de dollars fait par une grosse compagnie, surtout 20th Century Fox qui est réputé pour être très sévère, que t'as pas beaucoup de liberté sur tes films, et comme je dis, la scène de l'église, elle surprend, puis c'est vraiment comme un des moments les plus jouissifs, puis il t'en donne, puis là, à un moment donné, t'arrêtes pas, tu jubiles de plaisir, t'es comme, puis là, à un moment donné, tu dis, OK, ça va arrêter. Non, ça arrête plus, puis t'es juste comme, sans arrêt, puis j'étais comme, wow, vraiment, c'est du génie, j'ai trippé solidement. Non, je le recommande fortement à Kingsman, c'est plein de personnages fabuleux. Si vous êtes en manque des vieux James Bond, ce film-là va vous faire plaisir, on retrouve des gadgets à la James Bond, puis le style plus... les styles des premiers James Bond, parce que il y en a beaucoup, je pense, qui accrochent pas forcément à la tournure qu'ils ont eu la série des James Bond avec Daniel Craig. Moi, j'enlève rien à ça parce que j'aime beaucoup cette tournure-là, puis je trouve que ça donne un vent de fraîcheur à la série. Mais pour ceux qui s'ennuient du côté nostalgique du temps de Sean Connery avec des petits gadgets, ces choses-là, Kingsman va vous faire vraiment du grand bien puisque c'est un bel hommage à ça, puis c'est super bien maîtrisé. Fait que je le recommande vraiment, c'est un putain de bon divertissement. Fait que 2015 serait peut-être l'année du retour des espions à l'ancienne, avec Spy. Ouais, maintenant que tu dis ça avec Spy, oui. Parce que moi, je ferais un doublé, là, j'ai pas vu encore Kingsman, mais j'imagine le genre, puis tu sais, j'aime beaucoup le réalisateur, fait que j'ai très hâte de le voir, mais j'imagine que tu pourrais faire une soirée espion en mettant ces deux films-là quand l'autre va sortir en Blu-ray, là. Oui, facilement. Je pense que ça irait bien ensemble si tu rirais tout le long. Puis moi, ça me surprend pas vraiment de Colin Firth, oui, c'est ça. Ouais. Il peut faire des personnages historiques dans un film. Il peut faire aussi Bridget Jones, il peut faire Mamma Mia. Il va dans toutes les directions, ce gars-là. Puis il est vraiment willing de faire n'importe quoi. Fait que c'est ça, c'est un acteur très polyvalent, très caméléon. Puis je suis pas vraiment surpris par ce que tu dis, mais j'ai très hâte de le voir. Mais surtout que le côté gentleman lui colle vraiment à la peau. Puis c'est des agents secrets. C'est vraiment le fun comment c'est fait parce que quand c'est le moment d'agir, ils sont tellement badass puis sans pitié, puis t'as du sang qui gicle, puis toutes sortes de trucs, mais en restant gentleman puis poli, puis tout le temps en essayant de calmer le monde avant, puis c'est tellement trop le fun, puis ça fait tellement James Bond, justement, puis ça donne juste... L'attitude très anglaise. Ouais, très anglaise, puis ça l'amplifie le côté badass du film, puis c'est vraiment le fun. Apparemment, qu'il est déjà en train d'écrire la suite, puis qu'il va... la réaliser, de toute façon, à la manière que le film finit, on s'en doute que ça peut devenir une espèce de série. Puis c'est tiré, ça aussi, d'un comic book. Fait qu'en même temps, je pense que Matthew Vold est vraiment fait pour adapter des comic books à l'écran. Parce que quand on regarde son adaptation d'X-Men, qui casse plus ça, ce gars-là, il est vraiment talentueux, puis il reste fidèle au produit d'origine. Fait que, génial. Mais est-ce que Matthew Vold va finir par faire une suite à un de ses films, à un moment donné? Ben, en ce moment, il est en préparation pour une suite de Kick-Ass, une suite de Kingsman. C'est deux suites qui l'intéressent beaucoup, qui peut vraiment faire. Fait que, je pense que oui. Okay. Ça a tellement marché, Kingsman, que ça ne m'étonne pas en même temps. Là. Parce qu'il n'avait pas fait celle de Kick-Ass. J'ai lu l'article où il parle qu'il veut faire un Kick-Ass 3, là, parce qu'il trouve que Kick-Ass 2, c'était un peu merdique. Là, fait que... Ouais. Ben, en fait, le côté, l'esprit de Kick-Ass est quand même là dans le 2, puis il y a beaucoup d'éléments assez fidèles à la bande dessinée. Qu'est-ce qui manque, je te dirais, c'est la réalisation de Matthew Vold. Ça paraissait qu'il n'était pas derrière la caméra, puis c'est ceux qui jouent à sa faveur. Mais le voir revenir pour un Kick-Ass 3, puis même un spin-off de Hit Girl, moi je tripperais. Puis il avait parlé au départ qu'il voulait écrire justement un scénario pour Hit Girl, puis qu'il avait parler avec Garrett Evans, le réalisateur de Raid 1 et 2, pour le réaliser. Puis j'étais comme, ça serait parfait! avec une autre actrice, j'imagine, parce qu'elle est rendue trop vieille. Ouais, vieille, mais en même temps, j'ai pas envie de voir Hit Girl avec un autre, parce que j'ai connu Chloé avec ce rôle-là, puis tout le monde l'a connu pratiquement avec ça. Puis ouais, pour moi, Hit Girl, c'est elle, mais. 18 ans, je pense. Fait que... Ouais, mais c'est ça, elle vieillit. Fait qu'en même temps, elle veut pas. Ouais. Sinon, tu avais terminé pour Kingsman? Oui. J'ai continué encore un petit peu mon trip Pauly Shore. En fait, j'ai juste vu un film de Pauly Shore qui n'est pas connu du tout. Mais juste avant, je veux juste mentionner par rapport à ça qu'il y a eu récemment sur le podcast, comment ça s'appelle déjà, Le Septième Antiquaire, l'émission de radio à Montréal, qu'ils ont fait un épisode sur le genre du body swap, c'est-à-dire les films comme Vice Versa, comme Freaky Friday, puis tous ces trucs-là. Puis ça m'a donné le goût d'en revoir, puis j'en ai pas... Je vais essayer de m'en procurer quelques-uns, ils en ont nommé plusieurs qui étaient vraiment intéressants. Mais en attendant, j'en ai vu un avec Pauly Shore qui date de 2009, fait que c'est du Pauly Shore récent, qui s'appelle Opposite Day. Puis si, pour une raison quelconque, l'envie vous prendrait de regarder ce film-là, non. Non. Non. À moins d'être fan de Pauly Shore comme je suis, mais ça, c'est très récent, même. Pour ceux qui ne seraient pas certains, c'est qui Pauly Shore? Tu pourrais peut-être nommer deux, trois films. Biodome, Encino Man, Son in Law. C'est ça. C'était le clown de service au début des années 90. Ouais. Puis c'est ça, récemment, j'ai revu tous ces gros films. Puis j'ai essayé de fouiller un peu dans sa filmographie plus inconnue. Puis ce film-là, ben, c'est ça, en gros, c'est des enfants qui vont souhaiter prendre la place des adultes, puis à cause d'une invention d'un scientifique, ça va finir par se produire. Puis, dans le village où ils vivent, tous les enfants deviennent, dans le fond, ils gardent leur apparence, mais c'est eux qui contrôlent la ville, c'est eux qui sont les adultes, puis les adultes, dans le fond, gardent leur apparence d'adulte, mais ils agissent comme des enfants. Puis Pauly Shore, ben T'sais, vu que ça a tout le temps été un enfant dans un corps d'adulte, ben, il fit bien là-dedans, mais son rôle est vraiment très, très mince. Puis, il y a aussi l'acteur que j'ai mentionné au début du podcast, Dick Van Patten, qui est mort cette semaine. Il était dans ce film-là. Puis, c'est super incompétent. Ça a été fait pour la TV, je pense, ce film-là. Puis, c'est comme... Il n'y a aucun talent derrière la caméra. Ils ne savent pas comment diriger les acteurs. Ils ne savent pas comment réaliser des scènes. Ils ne savent juste pas... les scénaristes ne savaient pas comment écrire un scénario. Fait que, tu sais, c'est un gros, gros gâchis. Puis, je veux dire... J'ai vu pire, là, probablement, mais c'est vraiment pas recommandé. Fait, j'en parlerai pas plus que ça. Là, c'est vraiment pas bon. Là, puis, c'est un petit film de à la fin, tout va se résoudre comme on peut s'y attendre. Il y a vraiment rien d'intéressant là-dedans. Fait que j'en parle juste parce que je l'ai vu. Puis comme je disais au début, je pense que c'était avant qu'on commence à être en ligne. J'ai dit à Steven que j'allais gratter un peu les fonds de tiroir parce que j'ai pas vu grand-chose cette semaine. Fait que j'ai vu ça, puis j'aurais dû regarder d'autres choses à la place. Fait que c'est ça. J'arrête pas de t'achaler avec la série Daredevil, Life After Bed, plein de bons films, puis toi, t'écoutes des espèces de... Non, je peux pas t'en vouloir, puis, moi aussi. Le pire, c'est que depuis 2-3 semaines, quand j'ai commencé 2-3 séries différentes, mais j'ai pas encore commencé Daredevil. Ça va finir par arriver. Oui, ça va finir par arriver, je te jure. T'avais fini avec... Oui. Moi, je me suis fixé un objectif qu'à chaque 2 semaines, lorsqu'on va faire le time-out, je vais parler d'un nouveau film des studios Ghibli. Fait que le premier que j'ai vu, c'est de Wind Rise. J'ai pas vu beaucoup de films du studio Ghibli. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais en acheter un à chaque 2 semaines. Je veux la collection, j'y veux tout. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est sans doute le plus gros studio japonais d'animation. Puis c'est considéré par plusieurs comme étant les meilleurs films d'animation qu'il y a tout court. Pratiquement tous les films qui ont été faits par ce studio-là, c'est des chefs-d'œuvre, des films très matures, faits qui peuvent plaire pour les enfants, mais qui sont beaucoup faits aussi pour des adultes, avec des thèmes d'anti-guerre, d'écologie, puis des personnages très soignés, bien écrits. Fait que j'étais très intrigué. Fait que j'ai commencé... Évidemment, j'ai commencé avec le dernier. C'est pas le dernier film qui est sorti. Là, il vient d'en sortir un, puis apparemment, ce serait le dernier puisque le studio fermerait ses portes, ce qui est une triste nouvelle pour plusieurs. Mais moi, c'est le dernier du réalisateur le réalisateur Hayao Miyazaki. C'est le plus populaire du studio. C'est lui qui a fait la plupart des plus gros classiques, dont Spirited Away, qui est le plus populaire, je dirais, que j'ai pas encore vu. C'est un des prochains que je vais acheter prochainement. C'est quoi déjà son autre film? C'est pas lui qui a réalisé La Fure du Château dans le ciel? Oui, Castle in the Sky, je pense, ouais, comme ça s'appelle. Je pense que ça. Ouais, ça aussi, qui est aussi un gros classique. Puis j'avais lu avant d'écouter celui-là que c'était le film le moins accessible pour les enfants. En fait, c'est vraiment pas un film pour les enfants. C'est un film très mature. En fait, les studios, ils ont donné carte blanche. Ils ont dit, gars, c'est ton dernier film. Fais ce que tu veux. Puis le réalisateur, c'est un gros fan d'aviation. Il adore les avions. Puis ça a tout le temps été un rêve pour lui de voler dans le ciel, toutes ces choses-là. Puis ça paraît, parce que quand tu regardes la plupart des films qu'il a fait, c'est tous des thèmes qui touchent à des trucs qui volent, que ce soit le château, que ce soit des personnages qui volent sur une grosse créature. Ça a tout un rapport avec le genre de côté rêve de voler comme un oiseau. Et celui-ci ne fait vraiment pas exception à la règle parce qu'on va suivre le personnage de Jiro qui représente un peu le réalisateur du film. Et c'est un jeune qui rêve justement de voler puis qui fait un rêve qui rencontre un des plus grands concepteurs d'avions italiens, Caproni. Puis avec lui, il va rêver qu'il va construire des avions, qu'il va devenir un astronef. Quelqu'un, ingénieur ou celui qui dessine des avions, puis qui. Je suis plus sûr, en tout cas. Ouais, un ingénieur, je pense. En tout cas, je suis plus sûr du terme exact qu'il prononce dans le film. Fait que c'est qu'est-ce qu'il va devenir plus tard dans la vie. Il va commencer à dessiner, puis essayer de créer des avions. Et c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, puis il va se fixer beaucoup sur ses rêves. Il fait beaucoup de rêves, puis c'est ça qui va l'inspirer à faire des dessins pour l'avion. Puis il va aller faire ça pour une grosse compagnie qui, malheureusement, eux, veut construire des avions pour les utiliser pour la guerre, pour les Allemands, puis ces choses-là, durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis lui, il trouve ça dommage, mais en même temps, il décide de le faire pareil parce que tout ce qu'il veut faire, c'est juste créer des avions. Il veut juste créer des beaux avions parce que pour lui, c'est quelque chose de magnifique, c'est fascinant, puis il veut pas faire ça pour la guerre, puis il pense pas aucunement à ça. Puis au courant de son périple, il va aussi rencontrer une jeune femme avec qui il va développer un lien où ils vont se revoir plusieurs années plus tard, qu'ils vont tomber amoureux. C'est vraiment une super belle histoire d'amour. C'est super bien écrit. Et malheureusement, ça tombe dans le temps où que la tuberculose était assez fréquente et elle va malheureusement avoir la tuberculose. Fait qu'on sait que ses jours sont comptés. On sait pas trop quand. Mais tu sais, il est déchiré entre son rêve d'approcher du but de créer l'avion parfait et d'essayer d'avoir plus de temps avec sa copine qui est mourante et qui va de moins en moins bien. C'est très noir, c'est très dramatique. Puis moi, ça m'a beaucoup touché. Les personnages sont vrais. Les films de Studio Ghibli, il n'y a pas de 3D. C'est 100% dessiné en 2D par des artistes. Puis celui-ci atteint des sommets en termes de technique. C'est tellement bien fait. Tous les bruitages d'avion d'hélice, c'est tout fait avec des bruits de bouche, des affamants. Puis c'est super génial, c'est original. C'est vraiment un beau film. C'est lent. C'est vraiment basé sur le personnage de Jiro qui veut faire ses avions. Puis c'est vraiment juste sur ce personnage-là. Fait que c'est pas un film qui a beaucoup d'action ou quoi que ce soit, mais c'est juste comme un beau rêve à voir. Puis c'est le fun de voir comme ce gars-là, il a tout l'inspiré à faire un avion. Comme à un moment donné, il fait juste trouver un petit ossement de poisson dans son repas. Puis là, les autres capotent, puis ils disent, sont comme... Ah mon Dieu, comment c'est ça dans ton poisson? Enlève ça. Pourquoi tu gardes ça dans tes mains? Puis lui, il regarde ça, puis il est comme, ah oui, ça pourrait être comme l'aileron arrière de l'avion, puis ça l'inspire. Puis t'as plein de bonnes idées incroyables là-dedans. Puis apparemment que le film s'inspire d'un des vrais ingénieurs d'avion. J'ai oublié son nom. Quand vous allez voir sur Wikipédia, ça le dit que ça s'inspire de quelques faits de ce gars-là. Fait que je sais pas à quel point c'est fidèle ou que ça rapporte. Là. Je pense pas que ce soit à 100% biographie. Là. Mais c'est un très beau film de Winerise. Je vous le conseille fortement, même si vous n'êtes pas un familier des studios Ghibli, je ne le suis pas moi-même. Puis j'ai vraiment tombé sous le charme de ce film-là. C'est un film très mature qui est vraiment touchant. Puis la musique du film est envoûtante. C'est un soundtrack très classique, orchestral, qui vient chercher puis qui reste en tête. Je suis allé me chercher par la suite, puis depuis 2 semaines, j'arrête pas d'écouter dans mon iPod là, quand je m'en vais travailler, puis je suis tranquille dans ma bulle. Puis c'est un soundtrack qui fait rêver comme le personnage. C'est vraiment un film incroyable. Le nom du gars que tu cherchais, c'est Jiro Horikoshi, qui a designé un avion... le Mitsubishi A5M et son successeur, le Mitsubishi A6M0, qui ont été utilisés par le Japon durant la Deuxième Guerre mondiale. OK. C'est basé sur un manga, le film. Ah, OK, ça, je le sais pas. Ouais. J'ai pas vu de film de Miyazaki, ça m'a toujours intrigué. J'ai pas jamais vu Spirited Away, j'ai jamais vu Castle in the Sky non plus, fait que... Honnêtement, j'écoutais ce film-là, puis je pensais à toi, puis je me disais, je suis sûr que Jeff adorait vraiment. Puis je pense, j'ai de la misère à croire à quelqu'un qui pourrait pas aimer ça. Moi, ça m'a juste. Dès que je l'ai terminé, j'ai fait, OK, non, j'ai déjà hâte d'aller m'acheter un autre film du studio. Puis comme je dis, je vais en faire un différent à chaque 2 semaines. Puis là, je pense que le prochain, vu qu'il vient de sortir en Blu-ray, justement, à Spirited Away, je vais aller me le procurer, puis j'ai vraiment hâte de le voir. Puis c'est ça un peu que j'ai lu que. Les autres films sont plus fantastiques, t'as vraiment du fantastique là-dedans, tandis que lui, c'est vraiment dans un monde réaliste, dans un côté historique très fidèle. À un moment donné, au moment qui arrive, je suis certain de la place, il va y avoir un des fameux gros tremblements de terre qu'il y a eu dans ces années-là, qui avait fait des milliers de morts à ce moment-là, puis c'est une reconstitution des faits de ce qui est arrivé, puis même si c'est un dessin animé, la scène, elle donne des frissons. C'est l'impact qu'elle a, c'est super bien dessiné, c'est vraiment ingénieux. Puis non, vraiment, j'ai été sur le cul. C'est un film d'animation unique. Puis les studios Ghibli, je pense qu'il n'y a vraiment rien qui peut les accoter. Là, ils ont vraiment une volonté incroyable d'offrir des films très matures. Et c'est ça que je parlais la dernière fois, l'autre podcast, que ce qui est plate avec... J'enlève Pixar, évidemment, mais qu'est-ce qui est plate avec les films d'animation pour les jeunes de nos jours? Ils vont se miser que sur les jokes de pète, les jokes niaiseux, que c'est sûr que ça va faire rire des jeunes, on va y aller dans la facilité, sans que ce soit des films forcément intelligents. Et Studio Ghibli, c'est des films intelligents qui tombent jamais dans la facilité et qui sont là pour divertir les jeunes, en plus de leur montrer des trucs importants et essentiels à la vie. Comme je dis, c'est des messages anti-guerre, t'as des messages écologiques, des trucs sur l'amitié, l'amour, ça montre une réalité qui est présente. Puis Moi, sérieusement, c'est parmi les premiers films que je vais me faire plaisir avec les films de Pixar à montrer à mon petit garçon, mais qui sont un peu plus vieux. Là. C'est le genre de film qui devrait être plus fréquent de nos jours. Puis c'est dommage que le studio ferme ses portes. J'espère que c'est pas le coup. Des films qui nous enseignent des trucs, puis sur l'histoire de quelqu'un, une biographie ou quelque chose comme ça, puis où, qui nous font réfléchir, il devrait tout le temps en avoir plus. Ouais, non, c'est sûr. Surtout en dessin animé, c'est quand même pas banal. Oui. Moi, j'ai commencé la semaine dernière avec une série qui s'appelle Proof. Ça passe à la télévision. Je pense pas en avoir parlé parce que c'est ça, ça a commencé la semaine dernière. Fait que dernier time out, je n'avais pas encore vu. C'est avec l'actrice de Flashdance, Jennifer Beals. Elle a joué dans plein d'autres choses depuis, mais c'est comme ça que je la connais le plus pour Flashdance. C'est drôle parce qu'elle vieillit pas en tout. C'est le premier commentaire que je me suis fait, c'est qu'elle pourrait quasiment jouer dans un remake de Flashdance, puis ça passerait. Proof, dans le fond, c'est l'histoire de cette femme-là qui est chirurgienne dans un hôpital, une très bonne chirurgienne, qui se fait engager par un multimilliardaire qui est joué par Matthew Modine. Pour trouver, en fait, des preuves de la vie après la mort. Parce que lui, il est atteint d'un cancer, puis avant de mourir, il aimerait être sûr qu'il y a une vie après la mort. Puis comme elle a déjà été dans une situation où elle est morte pendant quelques instants, puis elle a été réanimée, elle a vécu une expérience où elle a vu quelque chose durant le temps qu'elle était morte, puis lui... est convaincu que c'est la meilleure personne pour trouver des preuves de ça. Fait qu'il va l'envoyer sur différentes pistes. Il a trouvé des cas à lui faire à lui faire fouiller à elle. T'sais. Puis, fait qu'elle va enquêter pour lui. C'est sûr qu'au début, ça ne l'intéresse pas, elle, parce qu'elle c'est une scientifique, elle ne veut rien savoir de. Elle fait comme renier un peu ce qu'elle a vécu comme expérience, puis elle ne veut rien savoir de ces histoires-là. Mais elle a perdu un fils, puis là, il joue un peu là-dessus sur ses émotions, puis elle a. Son hôpital a besoin d'argent, fait qu'il va jouer là-dessus aussi. Il fait un peu de chantage là-dessus. Fait que c'est ça, il va l'engager comme ça. Il va lui fournir une assistante, puis elle va se prendre quelqu'un de l'hôpital aussi, un jeune docteur qui vient de commencer. Fait que le trio vont fouiller des cas pour essayer de trouver des preuves. Puis je pense que ça va être comme ça tous les épisodes. Il va y avoir un cas à chaque épisode, je pense. Puis pour l'instant, j'aime ça. Je vais suivre. T'sais, dès le premier épisode, j'étais accroché. Puis c'est pas une grosse série, c'est une série d'été. Quand les séries qui commencent là, au mois de mai, mois de juin, en général, c'est pas des grosses affaires comme Under the Dome. Under the Dome, je veux même plus rien savoir. Là, la troisième saison, je la commencerai pas, ça c'est clair et certain. La deuxième, elle s'est faite sacrée, là, tellement c'était stupide. Et pourtant, j'ai adoré le roman, mais ça a pris une direction complètement opposée du roman. Mais ça, les séries d'été, c'est jamais bien profond. Là, t'sais, bien, Proof, si... Il soulève quand même des trucs intéressants, fait que je vais continuer à suivre. J'ai commencé la saison 3 de Orange is the New Black avec ma copine parce qu'on est des gros, gros fans. On a adoré les deux premières saisons. Dès que ça a sorti la première, on l'avait regardé puis on était fans tout de suite. Première saison d'Orange is the New Black, en fait, c'était une histoire sur la vie en prison pour des femmes, des Américaines. Et c'était inspiré d'un cas réel. Inspiré d'un livre qui avait été écrit par une femme qui avait passé un an ou deux en prison, qui racontait son histoire. Puis dans le fond, excusez, je t'ai découragé, déconcentré, genre, je lisais un commentaire. Et c'est ça, dans la première saison, t'es comme un petit peu plus réaliste, un peu, si on veut, t'sais, même si c'était très... c'est un peu over the top des fois, c'est un peu cartoonesque, mais ça demeurait quand même plus réaliste. La deuxième était plus dark, il y avait comme un conflit qui s'était créé en différentes factions, surtout, en fait, il y a comme deux gros clans qui sont créés, il y avait deux femmes à la tête de chacun de ces clans-là qui étaient vraiment opposés, c'était très très dark, il y avait vraiment une guerre là, dans la prison. Puis la troisième saison, je crois, d'après ce que j'ai entendu dire, est plus légère, plus comique. Fait que, puis c'est ce que j'ai eu dans les deux premiers épisodes que j'ai écoutés jusqu'à date. Je fais pas de binge-watching avec ça. Là. Je prends mon temps un peu, mais parce que j'écoute plein de séries en même temps aussi. Fait que, mais non, c'est ça. Moi, je suis un gros, gros fan. Pour l'instant, je peux pas vraiment commenter sur la troisième, mais je suis rembarqué puis j'ai du fun. Fait que, pour l'instant, c'est ça. Là. Fait que, je te laisse la parole. Parfait. Prochain que j'ai écouté Grand Piano. Avec Ella Jo Wood et John Cusack. Ouais, John Cusack. C'est écrit par le réalisateur et scénariste de Whiplash. Oh, OK. Je savais pas si Sébastien, je sais plus qui, en tout cas, quelqu'un qui m'a comme fait réaliser, j'ai comme fait, oh, ouais. Et c'est un film qui m'intéressait quand j'avais vu le trailer, puisque ça ressemblait à La Cabine avec Colin Farrell. C'est un peu, c'était pratiquement le même scénario. Et dans le fond, Elijah Wood joue un des plus grands pianistes du monde qui s'est retiré depuis 5 ans parce qu'il a essayé de jouer lors de son dernier concert une des pièces, je ne me rappelle plus son nom par contre, qui est une des plus complexes à jouer. Puis maintenant, il s'est planté. Ça l'a rongé tout le restant de sa vie. Il y a eu des mauvaises critiques, il ne l'a pas pris. Et après 5 ans, il décide de faire un grand retour et il va jouer sur le piano d'un des plus grands pianistes, puis un des pianos qui vaut des millions de dollars, qui était son professeur, puis c'est lui qui a tout enseigné. Puis il n'y a personne qui n'a jamais eu la chance de jouer sur ce piano-là, à part lui qui va l'avoir pour son retour. Puis lorsqu'il va se rendre à la place de théâtre pour jouer, il va avoir... comme des menaces, si on veut, il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a comme préparé un gros plan, puis qu'il menace de tuer sa copine qui est sur le balcon dans la salle avec les foules s'il ne joue pas comme il faut toute la soirée sans faire jamais aucune fausse note. Et évidemment, à un moment donné, il veut y faire jouer la fameuse pièce difficile qu'il n'a jamais réussi à faire lors de son dernier concert il y a 5 ans. Tous les ingrédients sont là pour que ça soit un super suspense qui te tient sur le bout de ton siège durant le 1h30 que ça dure. C'est un bon thriller, c'est un bon suspense. Je vous dirais par contre, j'ai pas été sur le bout de mon siège durant toute sa durée parce que il se passe un peu les mêmes affaires. Ça, à un moment donné, ça devient un petit peu redondant. Il arrive tout le temps les mêmes choses. Le tueur va lui demander d'aller chercher de quoi en arrière. Fait qu'il va quitter brusquement la salle. Tout le monde va être comme « qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il panique encore? » Puis il fait juste revenir, s'en aller, revenir du stage. Fait qu'à un moment donné, je trouve ça devient redondant. Et les scènes de suspense sont pas si fortes que ça. Tu sais, je faisais la comparaison avec La Cabine. Je pense que La Cabine a un meilleur suspense. Puis un côté émotionnel plus présent qui m'a beaucoup plus accroché que le grand pianiste, le grand piano. Puis, mais par contre, Elijah Wood, il est bon dans le film. John Cusack aussi, il est bon, surtout que j'ai plus une grande estime de John Cusack parce que pour moi, c'est devenu le nouveau Nicolas Cage du direct-to-video avec ses faux cheveux fake, là, comme Nicolas Cage noir. C'est triste. Mais... sinon, ce qui fait vraiment la force, je vous dirais, du film, c'est sa réalisation. C'est un Espagnol qui l'a réalisé. Il s'appelle Eugenio Mira. La réalisation est écœurante. Tu as des plans, des travelling, des cadrages qui sont constamment ingénieux, super bien pensés. Puis c'est ça vraiment qui élève un peu plus haut le trailer parce que, comme je vous dis, c'est plus une copie de l'autre film. Puis je pense que ça ne l'exploite pas tant que ça. Je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus intense puis plus sur le bout de notre siège, justement, tout le long. Tu sais, quand tu fais un film demain d'une heure et demie, que ça va se concentrer dans un huis clos à une place, puis c'est juste une interaction entre le tueur puis la victime, alors que la foule alentour n'est pas trop au courant de ce qui se passe. Je pense que ça avait matière à offrir quelque chose de plus puissant. Mais j'enlève rien. C'est un bon trailer. Si vous avez envie de passer une bonne soirée, ça a ses bonnes qualités. Il y a un petit twist agréable à la fin, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui fait son petit effet. Puis Elijah Wood, je ne sais pas si tu as suivi des cours de piano pour le film, parce que tu as beaucoup de plans de caméras qui s'arrangent pour que tu le voyes vraiment jouer avec ses mains. Puis il a l'air de je suis pas un expert, mais il a l'air de quand même suivre les notes et qu'est-ce qu'on entend. Fait que je suis intrigué de voir un making-of ou s'il y a eu un trucage comme quoi ça serait pas ses mains et quelqu'un d'autre qui joue. Ça m'intrigue beaucoup. Apparition Bonnie d'un acteur que je pensais qu'il était mort. Le gars de Bill and Ted, pas Keanu Reeves, l'autre, qui joue un rôle. Alex Winter, oui. Alex Winter qui joue un rôle dans le film quand même assez important. Puis j'étais comme, c'est Chantal qui me l'a fait remarquer. Elle fait « Hey, c'est le gars de Bill and Ted! » J'ai comme fait « Ah, OK! » Puis il joue un rôle quand même assez sérieux, puis il est bon. Il prépare le troisième, là. Ouais, c'est ça, les suites qu'on n'a pas besoin d'avoir de nos jours, là. Mais ça me semble c'est un petit peu. Moi, je serais curieux parce que tout ce qu'il a dit en entrevue depuis des années, ça a vraiment l'air intéressant, le 3. Je m'excuse de Ah non, c'est correct, vas-y. Mais tu sais, c'est parce qu'il disait que s'il faisait Bill and Ted 3, ça serait pour les bonnes raisons, puis il était très conscient des mauvais remakes, des mauvaises suites et tout ça, puis il voulait pas répéter la même erreur, puis. Lui et Keanu Reeves sont prêts depuis des années à le faire. Là. C'est juste une question d'argent ou de timing. Là. Mais je pense que dernièrement, j'avais vu une entrevue de Keanu Reeves qui avait vu le scénario et disait « C'est prêt, là, c'est bientôt qu'on va commencer. » Parce que ça, il dit « Moi, je suis excité, c'est vraiment de l'allure comme, comme scénario. Je laisse le bénéfice du doute. J'imagine que ça se peut offrir une suite. C'est Dumb and Dumber qui m'a trop scratché ma vision des suites qui arrivent trop tard. Mais, Je sais pas, je pense que vu qu'Alex Winter, c'est lui qui écrit, si je me trompe pas, puis il y a comme le contrôle de la franchise un peu, ça va être moins merdique peut-être que Dumb and Dumber, que j'ai pas vu, tu sais, j'ai pas vu ni l'un ni l'autre Dumb and Dumber. Mm-hmm. Mais j'aimerais revoir la belle-mère de Bill. qui ne voudrait pas la revoir? Comment il peut parler au snapper durant le concerto? C'est simple. Il a tout organisé ça comme exemple pour savoir qu'il est en train d'être visé par un snapper. Tout de suite, il va s'amuser à lui montrer une lumière rouge, un laser qui va aller sur lui. Puis sur son livre de notes qu'il va utiliser pour jouer ses pièces, le tueur a déjà écrit tout d'avance des directives à faire. Et à un moment donné, justement, lorsqu'il va aller dans la pièce en arrière durant un break entre le spectacle, il va aller chercher une oreillette qu'il va mettre dans son oreille, puis c'est comme ça qu'il va discuter puis entendre le tueur tout le restant du film pour communiquer. Sinon, c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment d'autre chose à dire. C'est classique, puis c'est rien de mémorable, mais c'est vraiment un bon petit trailer. Puis il est sur Netflix, si jamais ça l'intéresse du monde. Ah oui, je l'ai pas vu. Ouais, ok. Peut-être que la pochette est différente aussi, parce que ici, c'est qui? C'est VVS qui le distribue ici, puis aux États-Unis, c'est Magnet Film, puis leurs pochettes sont autant différentes de VVS. Je fais une recherche, j'avais pas vu. Mais tu parlais des cheveux de John Cusack. T'es dans le fond, tous ces acteurs-là qui veulent se rajeunir, devraient demander conseil à Tom Cruise sur quelle teinture que tu as. Ouais, lui, il a le meilleur chevelu ever. Ethan Hawke dans Mission Impossible, ses cheveux sont super. Il a les mêmes cheveux que quand il avait 20 ans à peu près. Il vit vraiment bien, Tom Cruise. Il paraît super bien encore. Puis je pense honnêtement, là, c'est l'acteur qui se donne le plus à fond dernièrement dans ses films. Le gars est tout le temps impliqué puis à vouloir faire tout. Comme je dis, c'est le Jackie Chan américain, là, Tom Cruise. Il prend des. Je serais curieux de voir. J'ai pas vu le film, j'ai pas vu aucune émission impossible, mais je serais curieux de voir le making of, comment est-ce qu'ils ont tourné la scène de lui à côté de l'avion qui est accroché de même dans le trailer. Ouais, puis tu sais, c'est quelque chose de vrai, il n'y a pas d'effet ordinateur. Même chose pour le quatrième Mission Impossible, la grosse scène avec la tour la plus haute au monde où il doit courir avec une corde alentour, puis tout ça, il l'a vraiment fait, là, puis regarde, ça le prenait faire. Puis j'ai entendu parler d'une autre scène, très grosse scène que Tom Cruise est fier, là, pour le nouveau Mission Impossible. C'est vrai qu'il s'est entraîné durant des mois pour essayer de retenir son souffle sous l'eau le plus longtemps. Puis apparemment que c'est une grosse scène en plan séquence qui va durer 6 minutes sous l'eau. Puis c'est apparemment une grosse scène de suspense, puis que c'est écœurant. Puis ça l'avait fait un peu tabou, puisqu'il y en a qui disaient comme on n'est pas sûr si ça se peut. Ça a l'air qu'il n'y a pas grand monde qui peut retenir 6 minutes leur respiration en dessous. Mais moi, ça reste à voir. J'imagine qu'il faut avoir un making-of sur le Blu-ray, puis le réalisateur, puis Tom Cruise eux-mêmes, ils disaient, puis je pense pas que ce soit des menteurs qui vont faire de la fausse promo pour le film en disant « Oh non, c'est truqué, Tom Cruise ne retient pas pour de vrai sa respiration. » En tout cas, hormis le fait qu'il est brainwashé par la scientologie. C'est son petit côté. C'est un acteur qui se donne à fond, ça c'est clair. Puis il y a des beaux cheveux pour son âge. Ouais, exactement. Ben justement, s'il y en a un qui ne vieillit pas, c'est Ledger Wood. Il a tout en l'air d'un petit cul de 15 ans, ce gars-là, c'est fou. Ouais, il a un babyface, dans le fond. T'sais. Babyface, là, il vieillit pas, là. ça me fait capoter. On dirait le même gars quasiment dans le temps de Faculty, les enseignants. Là. J'allais dire, comment ça s'appelait le film avec Macaulay Culkin? Le mauvais fils? Ah oui, qui joue dedans, oui, le bon fils. Le bon fils. Dans le fond, il pourrait faire un remake. Oui, un remake, puis il rejoue le même personnage. Mais quelqu'un, il a pris un coup de vieux, lui. Ouais, il vieillit pas bien. C'est un peu comme le jeune du sixième sens. Là. Tu le regardes aujourd'hui, puis il a l'air d'un trisomique. Là. Le petit Anakin Skywalker s'est fait arrêter cette semaine aussi. Là. Ah non, je ne sais pas. Ouais, il a conduit en état d'ébriété ou en trop grande vitesse, je ne me souviens plus, mais il s'est fait arrêter. Ah, OK. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'est ça, moi j'ai plus rien en fait parce que j'essaie de diviser mes trucs avec ce soir. On peut parler d'horreur puis de science-fiction. Ben, c'est ça, j'ai une couple de films d'horreur, mais je les garde pour Horror Gamer. Je ne vais pas en parler ici, là, vu que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un show live. Mais je vais me reprendre aussi. Là, dans 2 semaines, j'aurai vu Inside Out, puis je vais essayer de voir plus de trucs. Là, mais Elijah Wood et Harry Potter, les deux sont des sosies. Ben, je sais pas, chose, il vieillit. Il a l'air d'un adulte maintenant. Là. Voyons, c'est quoi son nom, Radcliffe? Ouais, c'est ça, Daniel Radcliffe, ouais. Ouais, il a plus l'air d'un adulte. Elijah Wood, il a encore l'air d'un enfant. Ouais. Là, il y a un bruit bizarre là, de tuyauterie derrière chez nous. Puis tu sais, je suis comme, mais non, y a-tu, c'est un appartement hanté, là? Ben, justement, parlant d'un appartement hanté, il est sorti le nouveau trailer de... Bon, c'est horreur, je ne suis pas supposé en parler ici, là, mais... Paranormal Activity de Ghost Dimension, que j'ai vraiment hâte de le voir, parce que moi, j'ai encore espoir, malgré les deux derniers volets que j'ai vraiment pas aimé, mais je suis un fan des trois premiers films, je les aime beaucoup, puis je considère que ce sont vraiment des bons films. Et là, le fait qu'il arrive vraiment un film que ça ne serait pas du ramaché, puis qu'ils vont répondre à des questions... au questionnement, puis qu'on va avoir toutes nos réponses, puis arrêter de tourner en rond, puis faire comme si c'était un public qui avait jamais vu les films auparavant. Moi, j'ai hâte de le voir. J'ai pas regardé le trailer, parce que j'avais peur qu'il en montre trop. Fait que je me garde la surprise, je regarde rien, puis je vais juste aller le voir au cinéma. Ouais, je pense qu'il en montre trop. Je l'ai regardé, moi, puis... Mais tu sais, c'est ça, ça me donne le feeling qu'ils vont répondre à plein de questions aussi, puis ça sera pas un REC 4 qui répond à rien ou qui... ouais, ou qui répond avec une réponse poche. Ouais, c'est ça, tu sais. Non, là, je pense que vraiment, ils ont pris tous les éléments des 4 ou 5 autres films, si on veut, puis essayer de tout mettre ça dans le même film, puis de répondre à tout. Moi, le 4, il est déjà sorti de mon esprit, je m'en rappelle quasiment plus. Puis le 4.5 de Marked Ones, je l'ai m'a pas dérangé tant que ça. J'avais entendu plein de mauvais commentaires, mais il m'a pas dérangé tant que ça. Là. Mais c'est sûr contrairement que au 4, il est pensable. Je vais tout m'y retaper avant de voir celui-là. Ouais. Parce que sont pas frais dans ma tête. Là. Puis c'est vraiment le premier qui m'a fait le plus d'impression, que je me rappelle très, très bien du premier. Puis ce que j'avais vu au cinéma, c'est le seul que j'ai vu sur grand écran. Ben, en même temps, c'était la nouveauté dans le temps. Puis je me rappelle, Danny avait fait sa critique peut-être un an d'avance parce qu'il avait reçu le DVD du réalisateur qui essayait de faire un peu de son film. Danny Dorerweb, juste pensé à lui. Danny Champagne Dorerweb. Puis tout le monde voulait le voir depuis qu'il avait publié sa critique, mais tu sais, le film n'était pas trouvable. Puis à un moment donné, c'est Paramount qui ont pris les droits, puis il avait envoyé un message à Danny Champagne. C'était comme, renvoie-nous le film, sinon on te poursuit. Là, c'est comme. C'est rendu. Ah, le film a vraiment pris de l'ampleur. T'sais. Au départ, ils sont exposés faire un remake, mais ils ont juste comme mis le film original dans quelques salles, voir ce que ça allait donner. Ça a tellement fait un gros buzz qu'ils ont comme fait fuck le remake, on va juste distribuer le film original. Puis moi aussi, j'ai été le voir au cinéma à Montréal avec une salle pleine. Puis je signale qu'il y avait des ados. Puis je déteste aller voir des films d'horreur avec des ados parce que souvent ça niaise. Et je pense que c'est une de mes plus belles expériences de films d'horreur dans une salle de cinéma. Tout le monde était concentré, tout le monde avait la chienne. Moi-même, j'avais la chienne, puis je suis retourné le soir chez nous à minuit, puis moi, ça m'a fait mon effet, puis que je crois ou pas aux fantômes, ça m'a foutu la chienne le temps que je l'ai vu, parce que ça avait une bonne ambiance, puis j'aimais les deux acteurs, puis je trouve que c'est un bon petit film d'horreur à petit budget qui a réussi à faire un exploit un peu comme Blair Witch Project, puis c'est dommage que le film ait autant mauvaise réputation à cause peut-être des suites qui n'ont pas plu à tout le monde, tout ça, mais tu sais, je considère que si tu le prends vraiment comme un petit film indépendant, puis tu oublies la grosse vague de fan footage que ça l'a déclenché, le premier Paranormal Activity, ça a quand même fait quelque chose de fort pour moi lorsque j'étais le voir. Oui, ouais, je suis d'accord avec ça. T'avais-tu terminé dans tes... Qu'est-ce qui te restait? Il me restait un film, mais je vais en parler vite. C'est pas quelque chose de gros. J'ai écouté The Young One. C'est avec Michael Shannon, puis c'est un film qui se passe dans un futur, un petit futur lointain. La Terre est l'eau sur la Terre est comme devenue quelque chose de rare, c'est plus vraiment trouvable. La Terre est juste comme une espèce de grosse sécheresse, les terres sont plus fertiles, t'as juste une couple de survivants qui tentent de survivre là-dedans, mais qui tentent de garder un mode de vie stable, tu peux travailler, sauf que c'est pas de l'argent que tu gagnes, c'est de l'alcool ou de l'eau, des trucs comme ça. Puis t'as le personnage de Michael Shannon avec sa petite famille qui vit sur une ferme. Puis lui, il tente désespérément de refaire pousser quelque chose en espérant qu'un jour sa terre va redevenir fertile. Sa fille sort avec un gars nowhere. Puis à un moment donné, ce gars-là, il va vouloir les terres de Michael Shannon, puis il va tout faire en sorte pour réussir à avoir ça. Et le film va miser à peu près là-dessus. C'est pas mal ça, l'histoire principale. Et c'est un film très classique au niveau de son scénario. Comme je dis, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est du déjà vu. Mais la force de ce film-là, c'est la réalisation. Ça l'élève vraiment. Comme je l'ai dit pour Grand Piano, pour The Young One, c'est la même affaire. La réalisation du gars élève le film à un niveau vraiment plus haut que ça l'aurait été qu'une réalisation boboche parce que le scénario est ordinaire. Il y a des plans incroyables. C'est visuellement fabuleux. Le visuel du futur est à la fois futuriste, mais pas trop. Ça reste réaliste. Tu as des petites pointes de technologie. Mais ça fait tout le temps un côté plus crédible. Tu sais, je me dis que ça se pourrait un futur comme ça. Comme ils n'utilisent pas des chariots pour transporter l'eau ou des trucs quand ils ont des gros voyages. C'est des espèces de gros robots à quatre pattes qui marchent, qui semblent avoir déjà existé. Je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube justement récemment qu'il y a des robots comme ça qui se promènent à quatre pattes. Puis il y a un peu le même design. Le chum est joué par le chum de sa fille. Qui va vouloir les taire et joué par l'acteur qui joue dans Mad Max Fury Road, qui dit la phrase Lovely Day, Nicolas, Holt. Je ne sais plus pourquoi. Ouais, Holt, je pense. Holt, ouais, ça. Super bon dans le film. Les acteurs sont vraiment bons. Comme je dis, c'est juste dommage que le scénario n'apporte pas vraiment de surprise. Ça ne surprend pas. L'ambiance est très lente. C'est un film très, très lent. Il se passe plus ou moins grand-chose. Mais je suis resté intéressé, puis encore une fois, comme je dis, le visuel est vraiment impressionnant. Je pense que la réalisation, c'est ça qui va vous rester accroché au film. Je vous le conseille, Thomas. C'est un bon film que j'ai apprécié, qui est sur Netflix aussi, si je ne me trompe pas. Si vous êtes amateur de films futuristes, apocalyptiques, mais qui fait pas trop... comment je pourrais dire, qui ne fait pas trop dans les clichés. Tu sais, ça apporte quand même un petit vent de fraîcheur, je trouve, dans le style visuel. C'est agréable à voir. Puis Michael Shannon, qu'est-ce que ça prend de plus? Cet acteur-là est génial. Puis dans n'importe quel film, moi, je l'adore. Peut-être sauf Man of Steel, que je suis loin d'être fan. Non, c'est pas le meilleur General Zod. Non, vraiment pas. Puis déclassera jamais l'original pour moi. Ah, j'ai vraiment pas aimé Man of Steel. Je suis sorti de la salle, j'étais comme... Tout ça pour ça. Transformer un 3. Hier, on a eu une question sur notre page Facebook suite à mon vidéo sur Das Boot. Puis c'est David Michaud qui nous demandait. Il dit, moi, j'aimerais bien à un moment donné savoir les films ou œuvres que vous voudriez voir ou ne pas voir remakés ou adaptés. Si on se pose la question comme ça tous les deux, comme ça, même à chaud, à fret, je veux dire, que sans y avoir réfléchi. Là. Le premier que je pourrais te dire tout de suite, puis que ça m'est tout de suite venu en tête, c'est Retour vers le futur. Oui, t'as raison. Je peux pas voir un remake avec ça. Pour moi, c'est parfait comme film. Puis c'est parfait comme trilogie, moi, pour moi, en fait. Trilogie, oui, c'est ça, la trilogie est parfaite. Il faudrait que tu refasses les trois quasiment, tu sais, puis non, non. Toi, y en a-tu un qui te vient en tête? Hier, j'ai nommé dans mon vidéo West Side Story parce que c'est mon film préféré, mais en même temps, c'est une comédie musicale. Puis comme je disais, ça a été fait sur scène depuis 50 ans, 60 ans. Fait que, selon la mise en scène, tu peux changer ça comme tu veux. C'est comme une pièce de théâtre, dans le fond. Fait que, ça peut être réadapté de bien des manières. Mais un film que je ne voudrais pas qu'on touche, vraiment pas, c'est dur parce que là, plusieurs de mes films... Plusieurs de mes films ont déjà été touchés, comme Dawn of the Dead, c'est l'original, mon film d'horreur préféré. T'sais. C'est mon film d'horreur préféré, puis il a déjà été touché. T'es chanceux, puisque ça a été un bon remake. Oui, c'est correct. Je me l'étais acheté, puis tout, puis c'était un remake que je trouvais correct, mais c'est vraiment pas à la hauteur de l'original, selon moi. Là. C'est ça, il y a Das Boot que j'ai parlé hier, que ça, j'ai vraiment pas envie de voir un remake de ça. Le pire, c'est que je vais sûrement le regarder pour pouvoir juger, là, mais... Regarde, moi, mon film d'horreur préféré, c'est Evil Dead, puis dans ma tête, c'est comme Toucher jamais Evil Dead, puis ils l'ont fait, puis... Veux pas, quand les trailers sont sortis, j'étais quand même excité, puis j'étais comme, OK, non, ouais, ça peut le faire, ça peut être intéressant, puis... Je suis sorti de la salle satisfait, j'étais pas en tabarnak, puis j'étais content que c'est un remake qui massacre pas l'original, puis qui essayait d'apporter de la nouveauté dans son scénario, mais... tout le lien par rapport à la drogue et les démons, je trouvais que c'était une bonne chose. Ils ont quand même essayé d'apporter de quoi de nouveau. Puis ça ne m'a pas trop dérangé finalement qu'ils l'aient remaké parce qu'au moins ils l'ont fait de bonne façon. Puis en même temps, c'était la boîte à Sam Raimi qui l'a faite. Fait que je pense pas qu'il aurait laissé quelqu'un faire un remake de merde pour le distribuer par la suite. On a un peu. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben, on a, dans les films qu'on a fait dans le podcast, là, il y a des films comme Casablanca que je voudrais pas voir de remake. Non. Ou All About Eve, que je voudrais pas voir de remake non plus. Que je trouve qu'ils sont parfaits. Puis c'est des. Tu sais, comme All About Eve, c'est une critique du show business de l'époque. Tu sais, c'est une. Je trouve que c'est vraiment ancré dans son époque. Puis Casablanca, ben, tu ne touches pas à ça. Mais il y a des films. On a fait The 39 Steps, un des premiers films qu'on a fait sur le podcast. Je pense que c'était le premier épisode auquel tu participais. Puis les 39 marches, moi, je le referais parce que le roman sur lequel c'est basé, ça ne ressemble pas du tout au film de Hitchcock. Puis tu pourrais faire une adaptation du roman qui serait beaucoup plus fidèle, qui serait beaucoup plus intéressante. Puis j'irais. Puis en plus, je ferais une suite. Je ferais parce qu'il y a 5 romans ou 4 romans dans cette série-là. Je ferais le deuxième. Là, puis le deuxième, là, ça serait bien fait, là, bien réalisé. Ça serait un comme Indiana Jones. Ça serait avec des personnages qui ressemblent un peu à Salah, puis Marcus, puis tout ça. Puis ça serait pareil comme Indiana Jones. C'est une aventure là, qui se voyage d'un bout à l'autre. Là, puis c'est vraiment le fun. Le troisième aussi est le fun. J'ai pas encore lu les autres, mais j'ai juste lu 3 premiers. Mais tu pourrais faire cette série-là en film, là, puis avec le personnage de Richard Haney, là, puis ça serait vraiment génial. Ça serait super le fun. Sinon, des films intouchables, là, il y en a souvent plein, là, j'essaie de penser. C'est parce que vite demain. Mais Back to the Future, c'est un bon call. Ça, je la referais. Ouais, non, je pense qu'à toutes les fois, c'est le premier qui me vient en tête. Puis, c'est drôle, j'ai déjà comme. Ma vision du remake, qu'est-ce que ça aurait de l'air, ce serait comme une maudite Honda Civic modifiée avec des néons, puis le Marty serait juste comme un ado avec sa casquette par en arrière, puis on dirait que je m'ai fait la pire image qu'un remake pouvait être de Back to the Future. Tu sais, comme moi, j'ai pas de misère avec le fait de revoir un troisième Bill et Ted, mais je voudrais pas voir un remake de Bill et Ted. Faut rester dans les films de voyage dans le temps. Non, je suis d'accord. Puis, sérieusement, là, Jaws, le premier, je voudrais pas un remake de ça. C'est déjà parfait. Tu peux pas toucher à ça. Je pense qu'il faudrait plus toucher non plus à la mouche de Cronenberg. C'était déjà un remake, son truc, mais. Comme The Thing de John Carpenter. Tu y touches plus, non. Tu y touches plus, c'est comme. Mais tu sais, ils ont fait un prequel, puis ça a pas été un gros hit, là, je pense. Non, en effet, mais c'est pas si pire. Honnêtement, c'est pas si pire comme. C'est une prequel, mais en même temps, t'as le feeling que c'est un remake parce qu'il se passe exactement les mêmes choses, mais veux pas, j'imagine que la créature a fait ce qui est arrivé dans le camp de Kurt Russell dans les Norvégiens juste avant. Je me dis, dans un sens, c'est un petit peu logique qu'il arrive les mêmes choses, mais c'est drôle, hein? C'est supposé être dans le camp norvégien, mais tout le monde parle anglais. Je trouvais ça bizarre, mais... Sinon, tu sais, moi, dans mes classiques, tu sais, style musique, dans les films musicaux, il y avait Fame, qui est un de mes films préférés, qui ont fait un remake que j'ai pas encore vu. Je suis pas vraiment curieux de le voir. Footloose, ils ont fait un remake, je l'ai pas vu non plus. Je voudrais pas qu'il touche à Dirty Dancing. Ça, c'est un film vraiment de son époque, avec deux acteurs qui sont. C'est un icône, tu sais. C'est un film-là, c'est un classique, tu y touches plus, là, tu sais. C'est comme barré, là. Mais Ferris Bueller aussi, un film de l'époque, tu touches pas vraiment à ça, là. C'est Mathieu Baudric, Félix Bueller. T'sais, on pourrait en nommer plein. E.T., tu touches pas à E.T. non plus. Non. Je verrais pas un remake d'E.T. Qu'est-ce qui serait un bon remake? Dans notre dernier épisode régulier ou l'autre avant, je disais The Last Starfighter. Des films oubliés, ça a de l'allure. Des films oubliés ou des films qui ont des concepts intéressants qui sont mal exploités, que lorsque tu finis le film, tu te dis « Merde, il y avait vraiment une bonne idée, mais c'est mal exécuté » ou « À l'époque, il n'y avait pas... » la technologie pour ou des trucs. Ce que je te dirais de la Starfighter, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là. Je ne sais pas si c'est vraiment mal exécuté, mais dans ce cas-là, l'idée de base d'un flow qui se ferait recruter par des extraterrestres à travers des jeux vidéo, tu peux adapter ça à cette heure de nos jours, puis prendre des jeux vidéo modernes. Puis à l'époque, c'était des arcades, mais ça peut être d'autres choses maintenant. Là, puis ça peut être super intéressant comme concept, adapté à 2015. T'sais. Ouais. Les Gremlins. Je voudrais pas un remake de ça, je pense. Ah, mais il en parle depuis tellement longtemps là, que c'est supposé s'en venir. Là. Mais tu sais, en même temps, tu m'aurais dit il y a quelques années un remake de Ghostbusters, puis ça m'aurait pas vraiment tenté. Tu, j'attendais encore une suite, là, j'espérais encore avant que Harold Ramis y meure, je voulais encore une suite. Ouais. Mais finalement, je le vois qu'avec un bon œil, je sais pas, je l'attends, là, le nouveau Ghostbusters. Comme je te dis, c'est parce que c'est Paul Feig, c'est pas n'importe qui, là. C'est juste que on en a parlé dans un épisode, puis moi, je fais pas ça pour faire mon hater, puis à cracher sur les remèdes pour juste cracher puis suivre tout le monde sur le net qui s'amuse à cracher. Je suis un fan de cinéma, je suis vraiment ouvert d'esprit, puis je suis compréhensif, mais c'est juste, comme je dis, on ne voit que ça. Puis tu sais, même ceux qui me disent « Ouais, mais tu sais, il y en avait des remèdes des années 80. » Oui, il y en avait, il y en a toujours eu. C'est juste que là, c'est succession par succession. Là, à chaque année, on en a des tonnes de remakes. Ils sont toutes identiques, ils se ressemblent tous, ils n'ont pas de personnalité, puis ils essaient juste de refaire avec la même formule pour les mêmes films, puis ça gosse. Il n'y a pas de véritable travail ou il n'y a pas de véritable effort à vouloir faire découvrir un classique à une nouvelle génération pour qu'ils se disent en voyant le remake, hey, j'ai vraiment aimé ça au point que ça me donnait envie d'aller voir l'original. Non, ils vont voir le film, est-ce que c'était poche, fait qu'ils ne voudront pas aller voir l'original, puis ils se disent ça doit être aussi poche, ils n'ont pas aimé ça. Fait tu sais, c'est le manque d'effort que dans les remakes, puis la facilité qui fait en sorte que ça me répugne, puis que maintenant, la plupart du temps, je suis pas excité devant un remake. À part si c'est un film que il y aurait besoin d'en faire un remake. Puis je l'ai dit, regarde, The Hills Have Eyes de Wes Craven, je suis pas fan de pantoute. Je trouve que c'est une grosse série Z, j'aime pas ce film-là. Et je trouvais que il y avait besoin d'un remake. Fait quand il y a eu l'annonce du remake, puis qu'en plus c'était fait par Alexandre Aja, j'étais comme bon, enfin un remake qui est justifié, puis je trouve que ça a une bonne idée. Puis quand j'ai vu le remake, je l'ai adoré, puis je trouve qu'il était supérieur au film original. Puis c'est des remakes comme ça que je veux, des films bof, mais qui pourraient être intéressants d'être remakés. Ouais, puis tu sais, il y en a eu des remakes qui ont été des succès. Il y en a eu, tu sais, Ben-Hur en 59 qui a gagné 11 Oscars. C'était un remake, tu sais. Je pense que c'était même la troisième version de cette histoire-là qui avait été faite. Mm-hmm. C'est ça, il y en a eu plein. C'est pas le phénomène des remakes ne date pas d'hier. Puis il y en aura toujours. Il y aura toujours aussi des adaptations de certaines histoires classiques. Il y aura toujours des Robin des Bois. Il y aura toujours des films sur Kaamelott ou avec le roi Arthur. Il y aura toujours des trucs comme ça. Puis ça revient par cycle, tout ça. Puis. Puis il y en a qui sont moins bons que d'autres. Puis... Le pire en ce moment, c'est comme Spider-Man. Ils lâchent pas prise, puis ils font juste des reboots sans arrêt. Puis là, on était habitué avec le gars de Social Network, Andrew Garfield. Puis là, on se retrouve avec un Spider-Man de 12 ans, 12-14 ans, puis ça, on recommence à zéro. Puis je suis comme... Mais il recommence-tu vraiment son histoire? Ils vont-tu raconter ses origines encore? Apparemment que ça va débuter et qu'il va déjà être Spider-Man. OK, on la connaît l'histoire. Non, ben c'est ça, mais en même temps, je suis tanné de Spider-Man. C'est comme, lâchez-les. Je veux dire, il y a tellement de personnages. On a fait le tour, on a eu les films de Sam Raimi. L'idée, c'est de l'intégrer aux Avengers aussi, là, je pense. Ouais. Je pense que c'est plus ça l'intérêt qu'ils veulent faire un film. C'est plus pour l'intégrer, justement, là, aux Avengers. Mais tu sais, je veux dire, on a fait le tour. Essayer d'adapter d'autres choses. C'est comme Ant-Man, je trouve que c'est quand même culotté comme film. Par contre, c'est dommage parce qu'il y a eu tellement de problèmes de production, puis c'était à la base Edgar Wright qui devait le réaliser, mais qu'il a quitté, puis c'est un autre. Fait que je suis pas super confiant du film, mais du trailer que j'ai vu, il y a des petites scènes que je trouvais vraiment le fun puis drôle. Fait que, Si c'est une bonne tactique dans les. J'ai vu deux ou trois trailers depuis dans les derniers mois, puis je sais pas si c'est une bonne tactique ou non de rire du nom eux autres mêmes, de rire de leur propre concept dans le trailer. Paul Rudd, qui dans les deux trailers que j'ai vus, ou deux ou trois trailers, il dit il rit du nom de Ant-Man. Ben, il est comme, ouais, je sais, c'est pas moi qui l'ai choisi. Genre, il dit ça. Puis... Ben, maintenant, dans le trailer, il dit on peut-tu, est-tu trop tard pour changer de nom? T'sais? Mais en même temps, ça fait-tu partie du monde de la BD? Dans la BD, ça, je sais pas. Dans le fond, t'as vu le trailer, à la fin, quand il a l'air d'avoir une espèce de grosse bataille épique dans un train jouet, oui. Puis après, t'as le plan de caméra du train qui fait juste comme s'écraser. Oh oui, c'est hot. J'étais comme, wow, bonne idée. Non, il m'intéresse celle-là, c'est un Marvel que j'ai envie de voir. C'est un Marvel qui va nous rappeler un peu Chérie, j'ai résolu les enfants. Ouais, exactement, je pensais à la même affaire, surtout quand il courait avec les fourmis. Puis là, je repensais à Mimi la fourmi dans Chérie, j'ai résolu les enfants, puis à quel point j'ai pleuré quand j'étais jeune. Puis c'était... Attends, je me trompe-tu? Chérie, j'ai résolu les enfants, c'est Joe Johnston qui réalisait ça, c'est le réalisateur de Captain America, le premier film. Ouais. C'est le réalisateur du Rocketeer. Puis c'est le réalisateur de Jurassic Park 3. Eh oui. C'est ça. Ce soir, on va parler de Jurassic World aussi à Horror Gamer. On va revenir sur nos opinions de... pour ceux qui n'ont pas écouté nos vidéos et qui veulent écouter Horror Gamer ce soir. Là. Ah, Vicky était trop insistante. Là. Vicky et Sébastien et toute la gang, on va parler de Jurassic World et de plein d'autres choses. Est-ce que tu avais d'autres affaires par rapport à nous, au bras de fer, à rajouter? Ou Non, à part que la semaine prochaine, on fait notre prochain épisode qui est, je le rappelle, spécial Chow Fat. Avec le classique de Killers de John Woo et le navet nanor Dragon Ball Evolution. On a même un auditeur qui l'a acheté. Ouais, je me sens presque mal, mais en même temps, moi aussi, je l'ai acheté. Je l'ai pogné dans une bin à 3$, là, fait que c'est pas super. Au pire des plus, on peut le briser après. C'est ce que je sais pas qu'est-ce qu'on a fait acheter aux gens depuis qu'on existe, depuis qu'on fait ce podcast-là. Puis, c'est un peu... Qu'est-ce qu'on a fait écouter aux gens? Est-ce qu'il y a du monde qui n'avait jamais vu tel film, puis parce qu'il nous a écouté, ben, ils ont décidé de le voir puis qu'ils ont adoré? Ça m'intrigue. C'est un peu stressant, là, tu sais, de... Ben, stressant. Je veux dire, d'abord, la plupart des classiques qu'on a conseillés, moi, je suis d'accord, ce sont des bons films. Puis les nanars qu'on a conseillés aussi, parce que c'est des films tellement mauvais que ça en était drôle. Puis ouais. Les mauvais, bon, on les a juste pas conseillés. T'sais, on n'a pas dit « foncez, ouais, écoutez Swamp Country ». Faut toujours que tu le plugues. Ben ouais, puis toi, tu vas tout le temps plugger The Apple maintenant. Fait que moi, j'ai Swamp Country, toi, t'as The Apple. Ouais. Fait que ben, je pense qu'on a mal tout pour aujourd'hui, je pense. Ouais, on a fait le tour. OK. Donc, ben, c'est ça, comme on a dit, on vous attend dans la semaine prochaine à notre épisode régulier. Puis sinon, ben, ce soir, aux alentours de 20h, ce soir 26 juin, on est sur Horror Gamer, horror-gamer.com. Mais je pense que le site est down. On a quelqu'un qui s'en occupe en ce moment. Sinon, la chaîne YouTube, la page Facebook. Puis pour ceux qui nous écoutent en podcast, ben, la vidéo d'Horror Gamer va être sur YouTube aussi tout le temps. Fait que. Ben c'est ça. Fait que écoutez-nous. Puis sinon, ben, on se revoit ou on s'écoute la semaine prochaine. On se reparle. Bon, c'est ça que je voulais dire. Bon. Fait que salut à toi, Steven. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis c'était toujours le fun, comme d'habitude. Fait plaisir. Bye. Bye. Good like fun. U-T-G-I-E, mop.